Hortan elgarutzi beharko dugu mementoko, Euskal Irratietako puntua berrietaz, egiteko tenoria baitugu Iñarrira Izotzekin. Baldintzapean aske geratu da Gabi Dagaz, Peipar Euskal Herriko Mugimendu Sozialistako militantea. Atxalde honetan atera da Martuteneko presondegitik bere kontrako sententzia berriz ere eten dutelarik. 2018an ezarritako zigorrakaatik bere horretan segitzen du eta Urruñarraren kontrako beste bi auzi daude zabalik oraino bi urteko espetxe zigorra arriskatzen duelarik. Ipar Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak horren bestez mantendu egin du ostiral honetarako deitutako mobilizazioa, Dagazperren absoluzioa eta amnistia osoa aldarrikatzeko. Tresna berri bat aktibatzen du Alda elkarteak etxe turistiko iraunkorren kontra, jabekidetasun araudia. Jakin behar da, mota honetako araudi gehienek ez dutela baimentzen eraikinaren eremu pribatuak merkataritzarako bideratzea. 120 egun baino gehiagoko alokairu turistikoa, ahatik, merkataritza bezala kontsideratua da. Jakin behar da, ere, jabe bakar baten eskaera aski dela neurri hori aplikatua izan dadin. Inflazioa goitidua Ipar Euskal Herrian eta Frantses Estatuan. Maiatzean prezioak 5.5 bira goititu dira INSEK astearteuntan argitaratu duen ikerketa baten arabera. Datua esanguratsua da 5.5 muga ez baita behin ere gainditua izan Frantses Estatuan azken 50 urteetan. Horrekin batera, familien kontsumo tasa 1.4 jautsi da. Izan ere, inflazioak lasarien zerkako beititzea ekartzen du. Eta hauteskunde solas, Matilde Agi izanen da EH Baien alderdiko hautagaia 5. bozka eremuan. Gune horretan proposatzen duten programa aurkezteko Angeluko enpresa ohi baten eman zuten hitzordua. Bertan Aldai promotoreak 88 etxe bizitza aitzin ikusi zituen T1 bizitegia 260.000 eurotan izanen delarik. Proiektu horrekin EH Baiek bertako herritarrentzat eginak ez diren etxe bizitzak salatu ditu. EH Baien programan, etxe bizitza utxen berritzea, bigarren etxe eta etxe utxen gaineko zerga emendatu edota egoiliar estatutu famatua aipatzen da. Eta justuki, EH Baiko Franzoaz Galua eta Peio Dufo miarritzen bilkura publikoa eginen dute arratsuntan 7etan Betriko auzoko elkarteen etxean. Tibo Patiaz aldiz, 5. bozka eremuko Volt mugimenduko hautagaiak ere bilkura eginen du berten orean, baina internet bidez Volt Europa taldearen Twitch kontuan. Eta Sandra Pereira Oztanel Nupes mugimenduko hautagaiak mintzaldi eskainiko du Baionan, elkarteen etxean ura ere arratseko 7etarik landa. Eta jakin, gaur arratseko 7:00 laugarren hautes barrutiko hautagaien mahai ingurua izanen duzuela Euskal Irratietan. Hor izanen dira zuzenean, Anik Trundai egoitz urrutiko etxea, Iñaki Etxaniz eta Julian Lazal, Beñat Lagojik eta Joso Bidartek gidaturik. Eta Mendibeko Salvatoreko kaperaren kondairak ez dira oraino guztiz argiturik. Duela 3 urte eterdi Salvatoreko kaperaren burdinezko gandera iluzarra ebatxia izan zen, baina duela 10 egun berriz agertu da Mendiben. Herriko etxearen aitzinean utzi dute euskarazko mezu batekin. Mezu horrek Mendibetarrer kontseilatzen die ongi zaindu dezaten gandera ilua eta basanderearen izenean izenpetua izan da. Autetxiek ez dute sekatuko nork duen susen horiekin. Sebastian Idoi Mendibeko auzapeza. Ez dut uste, kontseiluarekin kusiko du gu ere, baina ez dut uste sekatuko dugun, zeren, ebastea ez da pulita, baina, arraekartzia, deia seinale onbat zauku, eta, ene ustez segurik, hobeda, ara, pentsatuik hori alde berri bat dela ganderailu horren historioan, eta ara, leyenda berri bat, eta pentsatzen dut berriz gibelak erri duenak sentsurtat egina zuela hitza, eta guk, pentsatzen dut errespetatuko dugula hori, eta ara hori da, leyenda berri bat. Orain autetxiek freskatuko dute ganderailua eta berriz kaperan jarriko dute. Eta azkenik, kultur tartean Euskal Herria zuzenean festivalak bere egitarau osoa aurkeztu du. Sepultura Brasilgo EHZ festivalak bere egitarau. Eta kultur tartean, Euskal Herria zuzenean festivalak bere egitarau osoa aurkeztu du. Sepultura, Brasilgo heavy metal talde ezaguna, Pasadena eta Lumi gehitu dira Irisarrin, Uztailaren batetik irura ospatuko den festivalaren afitxera. Kontzertu ez gain, egun osoko animazioak iragarri dituzte Irisarriko plazan. Aurten ere, deneri idekia izanen dena urririk. Egitarauaren xetasun guziak ehz.eu satarian atxemanen dituzue eta jakin bertan ere sartzeak erosteko parada, ukanen duzuela. Eta erran bezala hemendik aitzina, Frantziako legebiltzarreko laugarren hautesbarrutiko hautagaiekin mahai ingurua eginen dugu orain Euskal Irratietan, horren bestez, zuei hitza pasarazten dizuet, Beinat Lagogi eta Jojo Bidart, atxaldeon. Atxaldeon zuri ere inak eta atxaldeon entzule guzieri bezala, laugarren boska ere muko debatia bere alaxe abiatzen dugu. Hala, debate ziklo bat edo bederen bi debate izanen ditugu lehen itzulia aintzin, lehena guai iraganen dena, laugarren boska ere muntakua eta lau hautagaiekin, eta elduden hastian ere, seigarren boska ere muko hautagaiak izanen dira, elduden hastezkenian. Odeon, laugarren boska ere mua ipatzen dugularik, beinat, zer da laugarren boska ere muri? Eta bai, arrastihun, Jojo, bosturtetak bezala ordin deputatu hotz lege biltzareko boskak badutugu aurten, presidentgoako bosketaik landa, azken aldietan usatzen zen bezala, laugarren boska emia erran bezala, horren aipatzeko biltzengia gaur, emu berezia, ez erraiteko drolia, bi eskualde, nahasten baitutu, biarnua, alde batetik, eta ipar Euskal Herriko barnek aldiaen parte humbat, sibeua, Basena Farroa eta Hasparneko emiek ilan beste aldetik. Otat, huian ehun mila bat bizizale eta hogeita bi herri biltzen dia. Guti guabehea erdiz erdien, biarno. Eta Euskal Herriko emien artin, herri nausik, Hasparne Mauledona pale Euskal Herrin. Eta Olue Arrudi eta Salbaterra bestiak beste, biarnun. Azken bosketan, horartaz dezagin, Loik Korrez LRM-eko kandidatak ziala jaman lehen unguko boska. Ehuneko hogeita bosteko emaitza ikilan, bigeren heltu zen Jean Lassalle, ehuneko hamazazpia ikilan, hiugeren sozialisten Bernard Ruturi heltu zen, ehuneko hamabi kakots seia ikilan, etondotik huian ordin heltu zen Anita Lopepe, Atxebai entako, eta Marko Xibar, Le Republiken entako, ehuneko sortzi, eta ehuneko bediatzi ikilan, ohartazteko jaleike, Euskal Herriko emia baizik espazen kuntutan hartzen Anita Lopepek, be ehuneko hamaseieko emaitzaik ilan, igan behar ziala heltu bada bigeren ungu batentako, segida denek ezagutzen du gordin eta Jean Lassalle nausitu zen. Zer aldaketa azken bost urteetan, bost urtez Frantziako politika markatu duten somai gertakari, ator horien mugimendua, sozial arloko arrangurek sortu duten mugimendua, esantzaren presio garestiegia erosmena latipitzen, baita ere demokrazia zuzenako baten galde azkar bat, erritaren erreferenduma besteak beste plazaratua zelarik. Poderiaren erantzuna ere bikoitza izan da, alde batetik errepresioa eta bestetik demokrazia esperientzia berri bat herritarrekin, benen frustrazioak ere sortu dituenak. Covid-eritasunari buruz hartuak izan diren erabakiek ere markatu dute azken urte hauek, osagarri mailakoak eta kontrola neurriak iardokitze frango sortu dituztenak. Ukraineko gerla ere hor dugu, bere eragina duena bai nazioartean eta bereziki hemen Europako politikan, ondorioak ere dituenak ekonomia eta sozial arloan. Eskualegian ere aldaketak izan dira. Politikan, eskual elkargoaren sortzearekin duela bost urte, demora initze galde egin duen zerbitzuen egiturak eta bat izan da, eta gobernantzia berrikusterat ere bultzatu duena funtsean poluen sortzearekin. Azken urte hauetan ere agertzen eta plazaratzen diren arrangura nausiak direlarik, etxe bizitzen espekulazioa, sozial arloko desberdintasunak, euskararen tokia, demokraziaren murrizketak, horiek ere ukanen ditugu aipagai, besteak beste, gure gomitekin. Eta bere alaxe, nola iraganen den debatea, esplikadezagun entzuleeri, horren bat eterdizariko gira gure lau hautagaiekin, eta zazpi gai izanen ditugu jogatzeko, gai bakotxaren inguruan minuta bat emanen dugu hautagai bakotxari, bere ikusmoldea eta proposamenen presentatzeko, eta ondotik debate bat, hiru edo lau minutakoa hautagaien artean. Eta erraiten dauzuet, azken partean ere, entzuleak, zuek ere deitzen alko duzula, zuen galdiak egiten alko dituzuela zuzenki, beraz, auta gaieri, telefonatuz unarat, 0559-8-14-14 numerorat, hori, azken laurdenean gertatuko dena. Euskaraz eta frantsesez izanen da debatea, badira eskoradunak, badira eskora ulertzen ez dutenak, eta horiek biztan dena ukanen dute itzulpena, ez da bada, izaiteko lau hautagaien artean. Eta bai, bordin gaiz hasei ugetan, sartuko gutzak, bertan jojo, lau kandidat kumitatu dutugu, hartazten dugu gaur, egoitz urrutiko etxea, ea txe baientako, arestihun? Arestihun. Anik trundai LRM Renaissance gaintiaen sustenguz, arestihun? Altsaldehon. Ukanen dugu bai Julien Lassal, reziston gaintiaentako, arestihun? Oui, bonjour. Eta Iñaki Etxaniz, sozialista bena NUPES koalizionien kandidat, arestihun? Egunan. Ordian, lehenik bakotsai minuta bat utziko dugu, jakiteko zertako presentatzen ziren boska hoietan eta hasiko gia egoitz urrutiko etxaikilen. Beraz, guretako hauteskunde legegiletara aurkeztea urteko lanaren jarraipena baizik ez da. Pentsatzen baitugu zango bat behar dela karriketan eta beste bat instituzioetan. Gure pentsamoldearen gravitate zentroa hemen dugu, herrian dugu eta ez Parisen. Ez dugu alderdi interesean edo gutxi batzuen mesedetan hartzen diren erabakien petzero izan nahi. Eta goiti berako logikak, vertikalitatean oinarritzen direnek, deus honik ekarri ez dutela ikasia dugu joan den aspaldian. Hortako, ala ere deigarria zaigu gainerateko hautagaiek abertzalek urteetan eraman aldarrikapenak bere egiten dituztela. Bozkari atzekoa ere bada, uste dugu bozka bat arago joaiteko mementoa egin dela, eta mementoa egin dela kopiak igorri beharrean originalak hautatzea. Untsaz, rekiko du gordin Anik Trundai, zuekilan? Bye Milesker, moi je vais continuer en français pour ce débat. Je me présente à ces élections parce que je souhaite pouvoir amener plus loin, plus fort la voix des Basques et des Béarnais au niveau le plus élevé du décisionnel, justement pour pouvoir faire entendre les besoins de notre territoire de façon encore plus importante que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. C'est vrai que je suis quelqu'un d'engagé depuis longtemps, d'un point de vue professionnel dans le social depuis longtemps. J'ai créé la première crèche bilingue bascophone et français ici à l'intérieur du Pays Basque à une époque où c'était pas tellement à la mode. Cette idée-là, ça m'a amené avec un groupe de jeunes femmes qui étaient autour de moi à cette époque-là, l'idée d'une démocratie autour de cet associatif que j'ai beaucoup aimé développer, et c'est autour de cet engagement presque naturel que je me suis retrouvée ensuite dans un engagement politique, d'abord en tant que conseillère départementale et puis à présent dans cette candidature autour des législatives. Voilà, je dirais qu'Anik Trundai ordine et Tajariki Tsendugu, Iñaki Etxaniz, Suikilan. Nous, on est candidats parce qu'on a eu le souhait de répondre à ce que les citoyens, notamment les citoyens de gauche et écologistes, souhaitaient depuis tant d'années, c'est que les partis politiques se mettent enfin autour de la table pour discuter de ce qui nous rapproche plutôt que de ce qui nous sépare. Donc avec Cécile Sanderin, qui est élue à Ispour, et moi je suis élue à Oloron, on a eu la responsabilité de porter cette candidature d'union sur la 4e circonscription. Donc on s'est basé sur les 650 mesures qui ont fait accord programmatique, qu'on a redéployé ici au niveau local en y associant, en incorporant les spécificités de notre territoire, notamment la question des langues, de la langue basque et de la langue occitane, mais aussi notre engagement pour le processus de paix. C'était quelque chose qu'on portait avant dans notre vie privée et qu'on veut mettre au premier plan sur au niveau national et porter ces combats-là au cœur de l'Assemblée nationale. Donc c'est véritablement porter la volonté de changer de rupture avec la politique actuelle du gouvernement. Très bien, on va terminer donc avec Monsieur Lassalle, Julien Lassalle. Oui, alors... Moi, si vous voulez, je suis resté berger toute ma carrière, mais j'ai eu une vie de militant et de défenseur des métiers agricoles. J'ai envie de poursuivre sous une autre forme, sous une autre dimension. Je rêve de représenter les Basques et les Béarnais, de porter les évidences de ce territoire et surtout de les construire avec eux pour les porter là-haut à l'Assemblée nationale. Untsa, eta berehala gure gaietan sartuko gira. Espekulazioa, etxe bizitegien egoera tentsioan dugu eskualerian, gaur egun 200.000 bizitegietatik, laurdena baino gehiago egoitzak eta bizitegi hutsak, bigarren egoitzak eta bizitegi hutsak dira. Tendentzia beraz egituz, 2026-eko igurikatuak dira, 41.000 bigarren egoitza eta beste 14.000 etxe edo apartamendu huts. Horri loturik, duela bi urte arte prezio ikaragarriak baziren bereziki kostaldean, baina azken urteuntan, barnekaldean agertzen da indar handiz espekulazioaren eragina. Herritarren haserrea sortuz, salaketa publiko eta elgarretaratze frango izan dira, Lapurdi barnekaldean, Baxena Farroan eta Siberuan, badakigu problematika berdintsua ere bizi dutela biharnokaldean. Gazteak bereziki kexu dira, eskakizunak badituzte, entzuten dugu Garazi Baigorri eta Ortzaize aldeko etxe bizitza kolektiboko Bixente Irigarrai. Adostintaizketea beraz egoiliar estatutoa plantan ezartzea, guk hori aldarrikatzen dugu espekulazioari kontra egiteko. Bestenaz, espekulazioari kontra egiteko, ze beste neurri proposatzen duzue. Fiskalitate mailan interesgarriago da udako alokazioak egitea urte osokoak baino. Adostintaizketea beraz, fiskalitate mailan hori uzkaltzea eta interesgarriagoa izan dadin urte osoan alokatzea. Eta hasten gira zurekin Anik Trondai, minuta batez. Egunon eta mil esker. La question du foncier est une vraie question, effectivement, des tensions très importantes sur la côte jusqu'à maintenant, mais qui viennent désormais vers l'intérieur, et de toute façon, c'est une problématique qu'il faut absolument prendre à bras le corps. Effectivement, je pense qu'il y a une place pour le législateur, pour créer une loi qui puisse border les choses de façon à ce qu'on puisse être protégé, notamment sur le foncier, parce que sur cette question du foncier, effectivement, par exemple, sur l'exemple d'Ascarat, que je connais bien, le fait que les terrains soient vendus aux enchères empêche la commune et le conseil municipal très impliqué dans cette situation de pouvoir préempter. Ça, il y a une niche là à trouver une solution à poser au niveau législatif là-dessus. C'est très important parce que la spéculation ne doit pas être la réponse à de l'indivision et à de la surenchère financière. Sur la question de la fiscalité qui a été posée, pour terminer, s'il vous plaît, je suis tout à fait d'accord pour l'idée de renverser les choses. Dans le débat, on va revenir dans le débat. Iñaki Etxaniza, votre point de vue, une minute, pour qu'on ait un débat. Du logement et du foncier est essentiel, parce que voilà, ça touche le logement, mais aussi l'agriculture. Donc nous, ce qu'on veut faire en premier lieu, c'est s'appuyer sur les experts du quotidien. Je pense notamment à l'association ALDA, qui agit depuis de nombreuses années sur ces questions-là et qui est force de proposition. Donc c'est les accompagner et reprendre leurs propositions qui viennent du terrain et qui sont tout à fait logiques. C'est à la fois construire des logements sociaux et faire appliquer enfin la loi SRU, c'est mettre en œuvre l'encadrement des loyers, redéfinir les zones tendues, mais aussi permettre, ça c'est une mesure qu'on porte, la rénovation sans avance de frais des bâtiments. On se rend compte qu'il y a beaucoup de maisons qui sont issues de l'héritage et où les personnes qui héritent n'ont pas forcément les moyens de les rénover et de pouvoir les mettre sur le marché. Nous, ce qu'on propose, c'est que l'État s'engage à avancer les frais pour la rénovation, et ça permettra d'avoir de nouveau de la place sur l'offre, et avec en contrepartie de cette avance de frais, des loyers modérés, des loyers encadrés. Donc ça permettra de revitaliser un petit peu le marché. Et il y a aussi la question de foncière, où il faut apporter une véritable modification de la loi foncière pour permettre à la SAFER notamment et à l'Ursandia de pouvoir préempter dans les meilleures composantes. Egoitzurutikoetxea. Gure ustez hemen zalantzan eman behar duguna merkatuaren legea da. Merkatuaren legea beraz gobernuak, indarrean den gobernuak lehenesten duena, eta alboan dudan alderdi sozialistak ere sekulan zalantzan eman ez duena. Orduan, hori da oinarria. Azkarateko gertakariak erakusten du, legeak justuak ez direnean desobedientziaren bidea hartu behar dela. Hemen hainbatek desobedientziaren bidea ukatzen dute, ikusten dugu salmenta hori blokatzeko manera izan dela herri mobilizazioaren bidez, orain pentsatzen dugu herri mobilizazio horrek barduela oihartzun bat instituzioetan, legeak hainbatean indarrarreman baten emaitza baitira, demokrazia ez da legearen aplikazio hutsa, baizik eta justuak diren bideetan oinarritzen diren lege aldaketak bermatzea. Orduan, aipatu diren orientabide guzi horiek gure proiektuaren parte dira, eta horien alde arituko gira, erran bezala karrikan eta instituzioetan. Eta hortako importantea da, nolarran lege aldaketa horiek ahalik eta fiten aintzinatera maitea, merkatua regulatu behar delako. Ez da posible merkatuak bere arauak inposa ditzan biziaren gainetik. Julien Lazar. Alors ce sujet a longtemps été plus important côté côte basque, mais il est arrivé chez nous et même jusqu'en haut des vallées béarnaises, on le retrouve. Et d'ailleurs, dans chaque mairie où nous passons, ce sujet est abordé. C'est... Parlez au micro, s'il vous plaît, monsieur. Ce sujet est une vraie inquiétude. Pour ce qui est du foncier agricole, c'est quelque chose que je connais très bien. Nous avons monté la TIMO, Transmission Installation Main d'œuvre, et nous avions demandé à Panchika Maïtia de réaliser un film qui s'appelait Taquicante la montagne. Nous l'avons diffusé 60 fois diffusion débat. Pour éveiller les consciences, faire que ce sujet soit moins tabou. Je suis admiratif de ce qu'a fait l'Oursendia au Pays Basque. Et sincèrement, nous sommes envieux et nous essayons de créer quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, pour ce qui est du bâti, moi, évidemment, je n'ai pas de solution toute faite, si ce n'est que le problème est énorme et qu'il faut s'y attaquer à bras de corps. Moi, ce que je propose, c'est de travailler avec les élus pour créer une boîte à outils, mettre à disposition. Le rôle du député, c'est un rôle législatif, mais il faut qu'il s'appuie sur les élus de terrain pour le bâtir. Merci. On va poursuivre le débat. Hein. Alors, Annick Trondaille, vous parlez de la fiscalité. Sur la fiscalité aussi, vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, sur le fait qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne me semble pas équitable et pas juste, qu'il faudrait changer. Je pense que c'était comme ça depuis très longtemps, pour des raisons qui appartenaient sans doute à l'économie de cette époque-là. En tout cas, le fait que la fiscalité soit plus favorable aux meublés saisonniers que la location annuelle n'est pas juste et équilibré. Il faudrait pouvoir renverser ça. Pour autant, il ne faut pas oublier quand même que localement, toutes les petites fermes ont aussi beaucoup se sont appuyées sur les gîtes, qui sont des compléments aussi de revenus pour les fermes et les petites fermes. Donc il est important de nuancer, mais toujours autour d'un territoire bien précis. Nik badut beste galdera bat, hori da egoiliar estatutuari buruz, le statut de résident. Alors c'est une revendication aussi qui a été mise en avant dans plusieurs territoires, ici aussi, qui est amenée ici en Pays Basque. Quelle est votre position par rapport à cette revendication, monsieur Tchanis? Notre position, c'est qu'il est nécessaire de mettre ces questions-là sur la table. On ne dit pas qu'on va le faire du jour au lendemain, mais on veut permettre de faire une table ronde, de permettre les débats, que ce soit ici, localement, mais aussi à l'Assemblée nationale, parce que c'est un sujet qui touche pas que notre territoire, pas que le Pays Basque et le Béarn, ça se retrouve dans toutes les zones de tension de population. Donc c'est un véritable sujet qu'il faut qu'on aborde au niveau législatif pour pouvoir le mettre en place, l'encadrer et que ça soit quelque chose qui soit durable et équitable par rapport à la fois à la population qui vit et qui est née ici et qui travaille ici, mais sans pour autant enfermer ça dans, comme on peut, certains peuvent le dire, dans un cocon. C'est vraiment mettre les bases de ce statut-là pour pouvoir le développer de façon législative. Egoitz? Guretako argi da, etxe bizitza baten ukaiteko eskubidea bien ukaiteko haino importanteagoa dela. Zentzu hortan, egoiliar estatutuak emaiten du manera bigarren etxe bizitzen bilakaera hori oztopatzeko. Badakigu ez dela aski izanen, beharko dira bestelako neurriak, fiskalitatean bermatzen direnak. Baina, ala ere guri deigarria egiten zaiguna da, hauteskundeak direnean nola gai horiek bereganatzen dituzten hautagai ezberdinek, eta gero zer nolako epelkeria baden gai horiek aintzinera maiteko mementoan. Eta hor ikusten dugu izugarrizko ardura gabekeria lurralde unek mementuntan pairatzen duen egoeraren aintzinean. Orduan, ala, pentsatzen dugu urgentziazkoa dela hori, egun barnekaldean bizi nahi duen gazte baten dako ezinezkoa da abantxu etxe baten atxemaitea, lan egiten duen batentzat ezinezkoa etxe baten atxemaitea, laborantxan instalatu nahi duen gazte batek, familia berri batek, lurrak atxemaiten baditu ere, etxe baten atxikitzeko, atxemaiteko zailtasun animalekoak ditu. Horrek erakusten du, hemen, demografia kaskar edo beltz batean den lurralde batean, ezinbestean behar dela esku hartze argi eta zorrotz bat. Julien Lazala, un dernier mot sur le sujet? Oui, mais par rapport au statut du résident, moi, je pense que dans cette boîte à outils, ça doit absolument en faire partie, mais pas que, certainement la fiscalité, que ceux qui ont envie de venir spéculer sachent qu'ils passeront à la caisse à un moment donné et que ça pourra ralentir quelques ardeurs. Ados, bigarren gairat, pasten gira? Eta bai, bon, lotzuik duke funtsian erraiteko, soziala aipatzen halginio kameni bat. Azken bosketan agertu da, ebai, bizizalen arrenkoan hausietaik bat azela, ekologiaikin ebai, epatuko jagu xarrixe. Jos, ahalmena, apaltzez, juiten duk, azken urte hoietan, praubentako, goatzen aldiz, Abeatxentako, zilua beti barnatuz badua, azken hamarkada hoietan, hor, alde hortaik, zer egin, zer proposa, oikuan, ebe hasiko zide, Julien Lassalle. Oui, si on parte du constat, le social et les services publics ont été, je dirais presque, abandonnés dans certaines zones du territoire. Et il faut qu'ils s'appliquent à tous les, évidemment à tous les niveaux. Et je pense que l'État doit les repenser et les repositionner à chaque niveau, jusqu'au plus bas. La question de naître, de s'éduquer, de se loger et de vieillir sur le territoire. Voilà autant de questions qui aujourd'hui, prises une par une ou globalement, sont toutes mises à mal sur ces territoires. Et on ne peut pas en rester là, ça c'est sûr. Voilà, on était un peu plus sur la question peut-être du pouvoir d'achat, des inégalités qui se creusent. Et Iñaki Etxaniz, un mot sur ça ? Oui, mais on fait le constat que la politique néolibérale d'Emmanuel Macron, qui a été mise en œuvre pendant 5 ans, n'a fait qu'aggraver la rupture qu'il y a dans la société entre les classes populaires, les classes moyennes et les autres. Il y a eu des années où on a opposé ces deux parties. Aujourd'hui, les classes moyennes et les classes populaires se retrouvent en grande difficulté. Il y a 9 millions de pauvres aujourd'hui en France. Et c'est pas acceptable, alors que pendant ce temps, le CAC 40 distribue 70 milliards de dividendes. Donc nous, on a une proposition, un pack de mesures sociales urgentes pour redonner la dignité aux gens. Ça va à la fois par l'augmentation du SMIC à 1500 euros, ça va par une allocation d'autonomie pour les jeunes pour qu'ils puissent partir faire des études. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans le débat, mais c'est une question pour que nos jeunes puissent partir faire les meilleures études possibles. Il y a à la fois la revalorisation de tous les salaires, la revalorisation du minimum vieillesse, des retraites, et le blocage des prix, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les prix de l'électricité ont été gelés par Emmanuel Macron avec la promesse qu'il n'y aurait pas de rattrapage, et on a appris il y a 2 jours que l'augmentation, elle va prendre en compte ce blocage. Donc au lieu d'augmenter de 4%, ça va augmenter de 8%. Donc c'est de faire en sorte que tout le monde puisse vivre dignement de son travail. Très bien, peut-être Annick Trondeuil, vous allez pouvoir répondre sur ces affirmations de M. Etxaniz sur ces dernières années. Ça s'est empiré d'après vous aussi ? Non, il y a le froid réel et le froid ressenti. C'est exactement la même chose pour l'histoire du pouvoir d'achat, parce qu'effectivement, à tête reposée et en dehors des enjeux des campagnes électorales, vous verrez que le pouvoir d'achat a augmenté chez les personnes avec l'arrêt de l'impôt sur la taxe d'habitation, par exemple. La retraite des agriculteurs qui a été mise à 1100 euros depuis novembre 2021, qui n'était encore jamais arrivée, une revalorisation des salaires de base qui est prévue pour juillet, avec effectif dès cet été. Le SMIC à 1500 euros, je n'y suis pas du tout favorable parce qu'effectivement, pour bien connaître l'associatif et des associations qui emploient quelques salariés ou les petits entrepreneurs qui ont 1 ou 2 salariés, si le salaire de base est imposé à ce salaire-là, alors on prend le risque que beaucoup de petites structures n'arrivent pas à tenir l'augmentation par domino et des autres salaires. Et sur les riches, juste l'impôt sur la fortune qui a disparu pendant ce quinquennat ? Alors ce n'est pas l'impôt sur la fortune qui a complètement disparu, c'est déplacé sur l'impôt sur l'immobilier, ce qui fait que le choix qui a été pris a été de mettre un impôt sur l'immobilier de façon à ce qu'il continue à y avoir de l'investissement dans notre pays pour qu'il puisse y avoir de l'emploi. Et dans le meilleur exemple pour la qualité du pouvoir d'achat qui a été gagné ces quelques années, c'est bien le fait que nous sommes passés à un taux de chômage qui est descendu à 7,4% au niveau national et 6,4% ici au niveau des Pyrénées-Atlantiques. C'est le plus bas D'accord. seuil depuis 14 ans. Très bien, merci. Egoitz, rapostu bat, horre? Biziki zinikoak iruditzen zaizkita hainbat erran. Azken urteetan pandemiak erakutsi duena da, aberatsen eta pobren arteko tartea handitu dela. Langabezia txipitua da, lan prekarioa da nagusi, interimarioa da lan gehiena, hori ez da antzi behar. Hala, gero lerratzen neoliberala ez dugu antzi behar, Macronek akseleratu du, beti bere lehenen eta logika hortan, baina ez dugu antzi behar, Holandek ere izan duen ardura. Ez dakit denek buruan duzuen hortzik gabekoen erran aldi famatu gura, orduan, pixkat, bitxi egiten da entzuten diren horiek entzutea main inguru untan. Hala, gero, iduritzen zaigu oinarrizko aldaketak behar direla, fiskalitatea aldatu behar da, arrunt aldatu behar da, eta behar dira baliabideak, behar preseski, mementuntan Ipar Euskal Herrian eta Barnekaldean pobrezia zinez sendi da, 112 1.100 eurotik beko errebenioak ditu, eta hor pentsatzen dugu behar dela dela egiazko esku hartze bat, aberatzen gainean zerga bat ezarriz, eta bestelako zerga mekanismoak abian ezarriz, aberastasuna, egia da aberastasuna badela, baina aberastasunaren banaketa justuago baten bermatzeko. Justement, monsieur Lassalle, vous allez peut-être pouvoir rebondir, parce que vous n'êtes pas beaucoup exprimé sur le sujet là. Au départ, je vous ai vu sceptique quand madame Trondeuil a pris la parole, peut-être vous avez quelque chose à répondre. Je pense que j'ai énormément de chance, il vaut mieux entendre ça qu'être sourd, mais j'ai cru que les bras allaient m'en tomber. Alors, j'ai pas envie de répondre et je respecte les propos de madame Trondeuil et je lui laisse la responsabilité. Mais vous êtes pas d'accord donc, ça veut dire? Mais ah oui, je ne suis pas d'entendre que le pouvoir d'achat a gagné là, et oui, c'est une réalité. Sincèrement, ça m'avait échappé. Jusqu'à cette heure-ci, ça m'avait complètement échappé. Mm-hmm. Mais Je vous invite à regarder les chiffres de près, Julien, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas chercher à vous convaincre. Mais de toute façon, l'idée, c'est que de ne pas dire que tout est parfait, loin de là. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Egoïtz sur certains points. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Pour autant, ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Ça ne veut pas dire que la situation actuelle, elle est due à tout est la faute à Macron de ces 5 dernières années. Il y a des choses qui ont dérapé sans doute depuis longtemps, des choses qui ont été redressées partiellement, qu'il faut continuer à redresser. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là, heureusement. Et c'est pour ça que, sans doute, il est repassé quand même pour 5 ans. Et c'est pour ça que, moi en tout cas, j'ai très envie de travailler de ce côté-là. Klase dominazio logika batean ezarria da, diskurtso mespretsuzko diskurtso batekin eta errealitateak, eta ikusten da inflazioak ze ondorio dituen barnekaldean, errealitateak egunerokoan jendeen baitan bestelako errealitate bat irudikatzen du, eta hori ez dugu antzi behar, gero hala horri aurre egitea nik ulertzen dut, hemen bakotsak bere interesak defenditzen ditu, Macronek biziki ongi asumitzen ditu bereak, baina hala herriaren nahia beste norabide batean da, eta horri arrapostu bat eman barko zaio. Monsieur Etchanis, justement, parce que quand vous avez proposé le SMIC à 1500 euros, Madame Trondeuil vous a dit que c'était pas possible. Peut-être oui, que vous voulez rebondir là-dessus. Je peux me permettre. Je vais réagir sur les propos qui ont été dit avant sur le pouvoir d'achat. Je suis un petit peu stupéfait d'entendre ça. Alors qu'on fait dire un petit peu ce qu'on veut aux chiffres. Donc je pense qu'en effet, le pouvoir d'achat des ultra riches lui a augmenté, hein, parce qu'ils ont augmenté pendant la crise du Covid leur fortune deux fois plus vite que ces 23 dernières années. Mais moi, de par mon travail, je suis conseiller principal d'éducation et je vois tous les jours des enfants qui ne mangent qu'une fois, à la cantine. Je vois des gens qui comptent au centime près leurs courses, donc dire que le pouvoir d'achat a augmenté... Avec de 1 euro le repas qui a été mis en place. Et le nombre d'étudiants qui faisaient la queue pour avoir l'aide alimentaire, on pourra en reparler. Sur le financement des 1500 euros... Mais ça veut dire qu'ils ont pu l'avoir à ce prix-là quand même, et vous savez bien que c'est inhérent à la pandémie. Oui, à quel prix? À quel prix, madame Trondeuil? Oui, non, mais à quel prix vous avez fait ça? Sous quelle pression populaire vous avez fait ça? Sur les 1500 euros, il suffit en fait tout simplement de rendre l'impôt progressif à la fois sur les sociétés et à la fois sur l'impôt sur le revenu. Tout ça est financé. Je vous invite à aller sur NUP 2022. L'ensemble des mesures sociales qu'on propose sont financées en effet, notamment en allant chercher l'argent chez les ultra-riches. D'accord. On va passer au sujet suivant. Pasatuko gira, euskarari atxikiak gira, baina euskararen ofizialtasuna eta erabilpena murrizten dituzte neurri eta erabakiak agertu dira berriki. Hizkuntza gutituen erakasteko murgiltze sistema aipatzen zuen molak legea naiz onartua izan gehiengoa handian frantses parlamentuan, baztertua izan da auzitegi konstituzionalean. Euskara onartua izan dadin etxaminen pasatzeko, baxuan edo brebetan, mugimenduak badira gaur egun, eta zonbait arlotan gibelerat ari baigira. Euskararen normalizazioaren kontrako seinaliak dira horiek, horien arrangura eta galdea egiten dauziete Larzabal kolegioko ikasleek. Tipidanik euskaraz ikasten dut, aurten NLEen azterketa izanen dut, zenako ezin dut euskaraz pasatu. Azterketak euskaraz! Hala, beraz, gaztek aldarrikatzen dutena, eta orduan, berehala, zuri galdeiten dozut Julien Lassalle. Julien Lassalle, donc votre point de vue sur le basque et le béarnais, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, les calandrettes... Essayez de parler au micro, s'il vous plaît, monsieur Lassalle. Là, j'ai des difficultés. C'est très important. les calandrettes, les ikastolas qui fleurissent sur ce territoire, eh bien, ça, c'est vraiment la culture et c'est la force de ce territoire. Les deux cultures sur le même territoire. Bon, alors il y a eu cette belle avancée avec la loi Molac, mais qui hélas a été détraqué par le Conseil constitutionnel, bien aidé par les députés Modem et La République En Marche. Au moment où le Conseil constitutionnel, pour une fois, ne demandait rien à personne, voilà qu'on a été lui demander son avis. Et au lieu de maintenir cette loi, lui a fait faire un immense bond en arrière. Et ça, c'est catastrophique pour ces langues-là. Il faut au minimum qu'elle revienne au niveau de la loi Molac. D'accord. Egoitz, on continue Egoitz. Nik uste dut euskararen egoera biziki auskorra dela, hori aintzinean eman behar den zerbait da. Molak legeak irekitzen zuen murgiltze ereduaren ezagutza Macronen gobernuaren Blankerren eskuartzaren ondorioz urratua izan da, eta egun oraindik egoera prekarioagoan da, auzitegi konstituzionalaren erabakiak adierazten baitu murgiltze eredua ez dela aizu. Eta zirkular bat egina izan balin bada, erabaki hori zirkularraren gainetik pasatzen da. Oduan, pentsatzen dugu hor esku hartze argi bat behar dela konstituzioaren bigarren artikulu aldatuz. Baina deigarria egiten zaigu ere NUPES delako horren programaren baitan agertzen den puntu bat, nun eta murgiltze ereduaren finantzatzeko hain beharrezkoa den herriko etxen esku hartzea bertan bera ezartzea uzten duten. Ikusten duguna da bertikalitate insensible horrek beste behin ere lurraldeko errealitateak urratzen dituela, naiz eta hemen ditugun hautagaiek ele ederrak dituzten hizkuntzaren alde. Gero ikusiko zer egin duten Parisera heltzen badira. Anitrundaia, zure ikusmoldea. Ene ikusmoldea da, ertia, enetako ere gauza hori zuzokeri bat zen, eta eniz bate ados... Zer zen zuzokeria? Molak legea edo konstituzioa. Alta LRM-eko irurogoi bat deputatu izan dira, horren galdeiteko. Gehienak... Blankerren aginduz, eta Macronen aginduz beraz. Ba, ados, badakit ba, untsa. Me, gehienak ere LRM-ekoak alde ziren, bon, je vais continuer en basque, en français, même si, voilà, eskualtzale niz, badakizik denak, eskualduna nizala, lehenik banakien eskuara, dekero ikasi dut francesa, hori da. Donc, évidemment que pour moi, l'idée d'être attaché à la langue basque, évidemment, et le respect que je porte à la langue béarnaise est le même, ça fait partie constitutive de notre personnalité, et pour moi, on ne doit choisir ni l'une ni l'autre. Alors, le fait qu'une majorité, il faut rappeler qu'une majorité quand même de députés de la REM avait voté en faveur, et une petite minorité a voté contre, je ne comprends toujours pas pourquoi. Nationale. Je le sais bien et je ne suis pas du tout d'accord et je le dis très très clairement. L'idée de pouvoir sécuriser cette question avec l'idée de la charte qui a été mise en place pour pouvoir sécuriser à nouveau sur le dispositif de la loi Molac qui avait été présentée, je suis tout à fait favorable et bien sûr que je me battrai pour aller dans ce sens-là parce que pour moi c'est une évidence. Contre le gouvernement ? Convaincre le gouvernement qu'il ne faut pas aller à de nouveau fragiliser, parce que c'est ça, l'idée de la loi Molac, c'était de consolider encore plus. Mmh. Ça n'a pas pu être le cas, et donc, par contre, un autre moyen a été choisi, celui de mettre en place une charte qui sécurise, et j'irai bien sûr dans ce sens-là, c'est-à-dire comment on continue à sécuriser le fait que les langues soient... Vous le savez bien, hein, une fois que ça a été mis de nouveau à la main du président et du Premier ministre, ils se sont aussi immédiatement battus. Je vous rappelle que le Premier ministre de l'époque, Jean Castex était tout à fait attaché aussi aux langues régionales et le président aussi, ils ont pu le dire. Je crois qu'il y a une erreur qui a été faite. Ouais, c'est dommage et j'ai pas peur de le dire. Presidenteak hala ere parlamentuak hartu duen erabaki bat urratu du, hau da demokrazia urratu du, hizkuntzen onarpena ez hitzaiolako begiko. Ez dugu antzi behar. Markatu. Debatia eginen dugu instantean Iñaki Etxaniz. Oui, j'ai entendu les doutes ou en tout cas les questionnements d'Egoy sur notre positionnement sur la langue basque. Moi, je l'affirme, que ce soit la langue basque ou la langue béarnaise, on les défendra. Pour preuve, ma suppléante, c'est Cécile Sanderin qui est en charge au niveau de son syndicat de la promotion et la sécurisation justement des langues. Moi, j'en suis principalement concerné aussi parce que ma famille, elle vient d'Aspeitia et de Beasain et j'ai pas eu cette chance-là de l'apprendre le basque et c'est un regret à titre personnel. Et je le vis aussi, cette censure de la loi Molac sur les élections parce que vous verrez sur les les bulletins de vote. Par cette censure-là, je n'ai pas le droit de mettre le tilde sur le N. Et nous, on est pour cette promotion-là, on est pour la reconnaissance de l'immersif, pour sa sécurisation, pour que les élèves puissent passer le brevet et le bac dans ces langues-là, pour la ratification de la charte. Voilà, nous, on soutient à 100% la loi Molac et on fera tout pour porter ces revendications. Une partie de la coalition, on n'est pas forcément oui, d'accord. Oui, mais c'est en tout cas de la coalition au niveau local de la 4e circonscription qui regroupe à la fois des gens de la France Insoumise ou du Parti communiste sont d'accord avec nous. Donc on discutera là-dessus avec l'ensemble des partenaires. Et en tout cas, nous, on a aussi notre indépendance au niveau de la NUP et on portera. Vous voterez avec, pour si jamais. Ah oui, je voterai pour et on militera pour son application. Bien sûr, au quotidien, c'est le travail de Cécile au quotidien. Moi, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Donc on se battra au quotidien pour que la loi Molac soit appliquée et applicable. Moi, j'ai une. Alors, on va démarrer le débat justement sur ce sujet qui commence à chauffer un petit peu autour de la table. Avec raison. Vous affirmez, Iñaki Etxaniz et Annick Trundai, que vous allez défendre. Mais vos appareils politiques se sont prononcés, pour le cas de la France insoumise, clairement, contre cette loi Molac. Et pour La République En Marche, même s'il y a une majorité de députés, le gouvernement s'est positionné fortement, alors au-delà de certaines déclarations qui ont été faites pour la langue basque, mais a mis en marche un processus pour bloquer cette loi. Alors, est-ce que vous allez vous opposer à vos appareils, quoi ? C'est la question. C'est pas une question d'opposition, c'est une question de promotion. En effet, il y a parmi la NUPES, il y a la France Insoumise qui comptait jusqu'alors 17 députés qui ont eu ce positionnement, mais autour de Jean-Luc Mélenchon, il y a des gens qui y sont favorables. Et nous, tout notre travail, ça va être de justement faire entendre le besoin du territoire, parce que c'est pas des gens qui sont formellement opposés à ça, c'est de leur faire entendre les revendications qui se passent ici et s'appuyer aussi sur ce que défend Yatchebaï depuis tant année et ce que défend la société civile et les Ikastola et les Calandrettes pour ce sujet-là. Donc moi, je vois aucune difficulté d'affirmer que j'y suis favorable, qu'on y est favorable et d'aller à contre-courant d'une partie de la NUPES, mais dont je suis sûr qu'ils entendront raison. Annick Trundai. Oui, bon, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que M. Etxaniz dit, parce qu'effectivement, à mon tour d'être vraiment étonné par ses paroles, parce qu'au même titre que moi, pour le coup, j'assume complètement d'être de la majorité présidentielle, et c'est grâce au fait que je le sois, que je pourrais défendre encore mieux notre territorialité et encore mieux la spécificité de nos identités. Et c'est bien ce que je compte faire parce que l'idée que je puisse en être entendue. Mais je vous rappelle quand même que la majorité des députés étaient favorables à cette loi Molac et que c'est vraiment une minorité. Vous l'avez dit autour de M. Blanquer, mais je vous rappelle quand même qu'il n'est plus ministre de l'Éducation. Et je voudrais quand même rappeler à M. Etxaniz, qui a l'air de l'oublier, que Mélenchon, quand on a signé, M. Mélenchon, quand il a été signé cette charte des langues régionales à l'initiative de deux députés. Je suis désolée, le président ne l'a pas ratifié. Donc une nouvelle votre agression, argument ne tient pas debout. Mais je me permettrai de terminer une phrase qui est une citation. Cette signature de la charte des langues régionales est une nouvelle agression contre l'unité de la République. Ça a été dit en 2015 par M. Mélenchon. Alors moi, je ne sais pas. Emmanuel Macron ne l'a pas ratifié, la charte. Vous revendiquez le fait que localement, vous allez pouvoir faire quelque chose. Je voudrais distribuer la parole. Excusez-moi. L'allégeance à M. Mélenchon vous empêchera de le faire. Il n'y a pas d'allégeance, c'est vous qui avez signé une charte de l'élu. Nous, on n'a rien signé du tout. C'est vous qui avez signé une charte de l'élu qui appliquera. Permettez-moi d'avoir quelques doutes sur le fait que Mélenchon vous laisse avoir une parole différente localement par rapport au national. Maintenant, je vous coupe. Emmanuel Macron vous a laissé la parole. Iñaki et Annick. Ils ont quitté la République En Marche parce qu'ils n'avaient pas de liberté. Iñaki Etxaniz, je vous coupe, je passe la parole à Egoitzurrutikoetxea. Eri, aski tristea egiten zait ikusten dudan espektakuloa hemen mainaren inguruan. Ikusten dut Molak legea izorratu duen esku hartzea Macronek zuzenean zuela egin. Nire galdera da, Macron erregearen gortearen parte izanen diren autetxiek, bere borondatearen kontra joanen diren, eta bigarrenik sozialistek uste dut badutela zertaz gorritu, azken urteetan boterean izan direnean, ezer guti egin baitute Euskararen zat. Orduan, otoi, nik uste duena da, errespetu zerbait gehiago behar dela lurraldearen zat, eta unek erakusten duena da, preseski, lurraldeak ordezkatuak izan behar duela, iduri baitu hemen orain EHBaien hurbiltzeko xedea badutela sozialistek, lehenago bazuten autua lurralde beretik alternatiba baten eraikitzeko eta dinamika kolektibo batean parte hartzeko. Ez da hola gertatu, hain zuzen ere, vertikalitatean oinarritzen delako haien ibilmoldea eta haien interesak Parisen dituztelako elekuan berean baino. Julien Azal. Julien Azal. Alors, moi je veux dire que que l'équipe parlementaire de Jean Lassalle a accepté, si les électeurs m'accordaient leur confiance, de m'accompagner. Et ça m'a énormément aidé dans la décision. Mais je serai libre et indépendant par rapport au parti. Effectivement, Iñaki, il annonce ce qu'il soutiendra, mais il a quand même beaucoup de monde à mettre d'accord autour de lui. La République en marche a signé les 12 engagements, dont le premier de voter tout ce que le président a annoncé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une totale autonomie et indépendance. Et là, moi, je vous assure que je serai le candidat libre et indépendant et que ces textes-là, je les voterai, mais alors sans aucune hésitation. Ez anzteko, uste dut oroitarazi behar da, lekuko komunistek eta France Insoumiseko ordezkariek duten diskurtsoa euskarari buruz. Aski da ikustea beste hautagaiek kostaldean ze jarrera duten. Orduan, aski da igarria egiten dira olako diskurtso kontraerrankorrak entzutea. Laburantza gairat pasten dira. Eta bai, laburantza ordian beste aipamen important bat, guentako, zientako, bai, balinba, eta segure, Julien Lassalek errandu hatxarin, menena denak horagia laburantzatik emu juntan. Ondin, bitrezna badia heben laburantzaen defendatzeko eta junazteko. Ez etxit berri deiekin, Euskal Herriko laburantza kanbea, ezagutzen duguna, eta departamentuko laburantza kanbea. Egun oano, sekula beno habo pestizida ea bilten dia, rundepaen baimen alusatu nahi da ebai. Bon, siek funtsien galtua da, zer modela defendatu nahi duzie, ben Julien Lassalek erranbeitu hatxarian. Hoizelan, hain... Alors, je défends le modèle agricole qu'il y a sur ce territoire. Avec des petites productions et on est le premier département de France en nombre de producteurs fermiers, et je vous signale d'ailleurs que j'étais le président fondateur du collectif Fermier 64. Pour cela, il faut pouvoir produire, transformer sur le territoire, garder la valeur ajoutée et garder les emplois sur ce territoire. Et accompagner, c'est en train de progresser, les circuits courts. Alors on propose de créer le ticket paysan qui sera le petit cousin ou le petit frère du ticket resto. Que votre frère avait proposé. C'est le contraire, c'est moi qui lui ai fait mettre dans son programme. D'accord. On va rendre à César. je pense, même si ça progresse énormément, qu'on ne fera pas tout en circuit court, et que moi, ce que je veux défendre, c'est le rôle de la terre nourricière. Et voyez-vous, on a 67 millions de Français à faire manger. Moi, honnêtement, je préfère qu'on les fasse manger avec de l'agriculture française, parce que c'est l'agriculture qui est reconnue la plus saine au monde. Et avec ça, on a tout simplement fait la gastronomie française. Tout juste, est bien dans l'agriculture française, donc, d'après vous. Comment ? Tout va bien dans l'agriculture française. Oh, loin de là. Oh, non, là, là, là. Mais je veux qu'elle soit en capacité de produire et de créer de l'alimentation et de créer de la souveraineté. D'accord. Mais si vous voulez qu'on parle de ce qui ne va pas, j'ai aucun souci à ce sujet-là aussi. On va en parler pendant le débat juste après. Au niveau du timing, juste un petit point. Monsieur Lassalle est un peu en retard sur Madame Trondeuil et Monsieur Echanis qui sont en tête et Goitz Urrutikoetxea derrière. On va continuer avec cette fois-ci Goitz Urrutikoetxea justement. Guretako laborantza zemintzatzerakoan hegazti gripearekin gertatzen ari denak erakusten du egungo egunean diren bi ereduen arteko elkarbizitza hori sekulan baino zailagoa dela. Agroindustriaren desmasien ondorio da eta horren ondorioz inposatzen diren normek lekuko laborantza iraunkorra bere geroa zalantzan emaiten dute. Gure ustez ezinbestekoa da PAK neurrien banaketen berrikustea laborantza iraunkorraren zerbitzuko ezartzeko eta aldi berean transizio baten abian emaiteko laborariak pasa daitezen logika intentsiboetarik eta pestizida eta gisabereko produktuen erabiltzetik inguramena errespetatuko duen praktiketara eta ezinbestean behar da berrikusi laborarien saria hortarako lehen aipatu ditugun zerga mekanismoak erabiliz eta ekoizpenak prezio justuan salduak izan daitezen errebenio justu bat ukan dezaten. Eta horren gibelean gure ustez behar da zinez pentsatu ekonomiaren birtokiratze ekologiko eta sozial bat. Hurbileko ekoizpenak sustatuz eta hurbileko komertzio hori sustatuz. Untsa, eskerik, hain txegoitz, zuekin jarrakitzen dugu anik trondai ordin, zuek usteko manea? Alors, pour moi, évidemment que l'objet de soutenir le pastoralisme, l'élevage, la viticulture, la sylviculture, c'est très important. Il faut vraiment valoriser les agricultrices et les agriculteurs de notre territoire, où nous avons beaucoup de marques d'équipes de qualité ici, avec la OC, l'IGP, les labels, le bleu blanc-cœur, tout ça, c'est très important. Promouvoir les innovations aussi, parce qu'il y a beaucoup de possibilités autour des innovations en agriculture. Mais ce qui me semble très important, c'est de vrai pour une meilleure répartition de la valeur entre ceux qui produisent, ceux qui transforment et ceux qui distribuent. Et pour ça, il me semble que l'égalité entre les produits peut être mieux régulée par rapport aux exigences européennes et que les produits importés mettent en place une taxe carbone aux frontières. Ça me semble très important et participe à la transition écologique également. Très bien, on va terminer avec M. Echanis avant de passer au débat. Oui, ben je pense que c'est un sujet, l'agriculture, où on partage tous un petit peu le même constat. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut... ici, notamment au Pays Basque, ils n'ont pas entendu l'action de la politique pour mettre en œuvre déjà cette transformation-là de qualité, de quantité, de taille d'exploitation, notamment avec les syndicats agricoles et les coopératives. Donc c'est important d'accompagner, de leur faciliter la tâche. Je rejoins la nécessité de revoir les critères d'attribution de la PAC qui sont aujourd'hui plutôt orientés vers des grosses exploitations de quantité. Et il faut revoir ces critères-là au niveau européen pour favoriser le développement des petites exploitations. Il y a eu la question du foncier qu'on a abordé tout à l'heure. Il y a aussi la question de donner une vraie place aux lycées agricoles en partenariat avec les régions pour permettre d'apporter les compétences nécessaires et de donner des vocations aussi, parce qu'on se rend compte quand même, malgré le bilan qui n'est pas formidable non plus, que le Pays Basque connaît le plus fort taux d'installation. Donc c'est accompagner cette dynamique-là qui est présente aussi sur le Béarn et d'accompagner l'ensemble des agriculteurs vers cette transition-là. En investissant notamment dans la recherche, parce que pour avancer sur ces questions-là, il est important d'investir dans la recherche, ce qui n'a pas été fait pendant 5 ans. Donc il faut accompagner les agriculteurs. Et nous, on est entourés de spécialistes de la question. Je parle notamment de Jean-Marc Arance et d'Andier Sainte-Marie qui nous accompagnent sur ce sujet-là. Eh bien justement, vous avez parlé beaucoup d'innovation, de productivité. Peut-être tout le monde ne partage pas ce point de vue de l'agriculture. Egoitz, saltu bada, hitz bat? Nik pentsatzen dudana da, lehenik eta behin horre randenetik. Deigarria da sozialista gobernuan egon direnean, deus guti egin dutela FNSEaren nolarran eragin horri aurre egiteko, buru egiteko. Guk pentsatzen dugu lekuko laborantza behar dela indartu, lekuko laborantzak lanpostuak bermatuko dituela eta balioko duela lekuan berean beharrezkoa den elikadura, kalitatezko elikadura horren bermatzeko. Behar da paradigma aldaketa bat, hegazti gripearen gaia aipatu dut lehen, behar da zinez kanbiatu egiteko maneraz, ez da bi ereduak ez dira elkarbizitzen al, hori maleruskiala da, eta behar dira indarrak ezerri transizio bat gauzatzeko laborarien honetan, herritarren honetan eta inguramenaren honetan. Eta hortarako behar da ausardia politikoa. Eta egia da, ausardia politikoa ez dela eguneroko ogia. Azken batean, ekilibrioak behar direlako bermatu, dena aldiberean egite hori nahi da, guziei plazer egiteko eta pentsatzen dugu hori ez dela gehiago posible. Monsieur Lazalu, vous êtes d'accord avec ça? Les deux modèles ne sont pas compatibles? Non, moi je pense qu'ils sont complémentaires et qu'il faut absolument accompagner les circuits courts, les amener le plus loin possible. Mais je pense qu'il faut que la terre continue à produire. Mais ce qui s'est quand même passé ici au Pays Basque peut servir de référence. La Chambre d'agriculture, la Borancha Gambara qui a avancé sur l'agriculture paysanne et qui a, après mille efforts, finit par se faire reconnaître et qui fait un vrai développement sur le territoire. Je veux revenir, vous avez prononcé le mot PAC et j'ai envie de vous dire tout de même ce que j'en pense. On vend les produits en dessous du prix de revient et on nous donne des compensations, mais qui ne compensent jamais la perte réelle, un petit peu moins. Alors pour maintenir le niveau, il faut faire un petit peu plus. Le un petit peu plus d'un an, c'est pas grand-chose. de 10 ans. Ça commence à avoir, et au-delà, ça cogne. Eh bien, la disparition des paysans, ce n'est pas la seule cause, mais c'est une des causes importantes tout de même. Et ça a été déplafonné ces dernières années. Et alors, moi, je propose qu'au lieu de faire la course à l'hectare et élever cette course à l'hectare depuis le haut des estives jusqu'à la région de Gave et Restevré, eh bien, de la tribuer à l'unité de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'on remet des hommes sur le territoire. Ensuite, je pense que le gouvernement français et M. de Normandie n'a quand même pas eu une bonne idée de baisser les DPB sur les vaches allaitantes. Ça va se faire dans les années. Les DPB, est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs, quand même... Oui, c'est le droit à prime. D'accord. Très bien. Aipatu behar dela ere, nik ez dut konparaketarik egin Julien eta bere anaiaren artean, baina ez dugu antzi behar, bere anaia hautatua izan den bitartean, Barthélemy Ager zuela ordezkoa, eta badakigu Barthélemy Agerrek ze laborantza eredu ordezkatzen duen, Lur Berrik zer laborantza eredu ordezkatzen duen, Espangeroren aferare hor buruan izan behar dugu, adan iduritzen zaigu, nik ez dut beraz zaku berean ezarriko beran aiarekin, baina iduritzen zaigu eskema eta logika horiek arrunt baztertu behar direla, eta zinez ausardia behar dugula beste norabide batean ezartzeko. Madame Trondeuil, sur la répartition... Un mot sur la répartition de la PAC, Madame Trondeuil, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit sur la répartition de la PAC? Je pense qu'il faut continuer à travailler sur la PAC, oui, effectivement, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Julien au niveau des modèles qui sont complémentaires, et pour moi, notre Pays Basque et notre terroir, ça serait dommage d'opposer les systèmes. Oui, le circuit court est un circuit vertueux. Il y en a d'autres qui sont également vertueux. Aucun des deux n'est parfait. Aucun des trois, parce qu'il peut y avoir des systèmes aussi intermédiaires. Tous y sont perfectibles. Je crois qu'on doit continuer à travailler là-dessus. Le système... Je ne sais pas si je peux continuer, mais oui, il y a... Oui, on continue un petit peu. Bon, merci. La question aussi de la transhumance, elle est très, très importante, de tous les éleveurs qui travaillent en estive, parce qu'on a la chance d'avoir un terroir de très belle qualité. Et toutes les actions qui sont faites en faveur de la transhumance des commissions syndicales, ils le savent bien, soutient les éleveurs, souvent les agricultrices qui sont autour de ces troupeaux-là. Et cette question-là, il me semble important de ne pas opposer l'écologie et l'agriculture. Je trouve que les plus grands écologistes, pour moi, ce sont les agriculteurs. Attention à l'agribashing, je n'ai pas dit que c'est ça qu'on faisait ici. Mais le discours qu'on doit faire, ce que je veux dire, c'est qu'ensemble, on doit tenir un discours de valorisation de l'agriculture, de notre agriculture, parce que très souvent, ça n'a pas été fait. C'est ce que je veux dire. Barkatuko didazu, ez ditugu ekologia eta laborantza oposizioan ezartzen, baina egun gertatzen ari dena da, eta hegazti gripeak erakusten du, eredu intentsibo eta industriala ari dela lekuko laborantza PKR-karat eramaiten. Norma batzu inposatzen ari dira, kabala sanoak hiltzera inokoak, eta hori ez da onartzen al, beraz, oposizioa sistemak berak egiten du. Hik uste duk, bi modelak ez dira nahazten al, donk egoiz pense que les deux modèles ne peuvent pas vivre ensemble. Monsieur Lassalle et Madame Trudeau, ils pensent que oui, justement, Monsieur Echanis, on ne vous a pas entendu à ce sujet. Alors, je n'ai pas entendu avec la traduction dans l'oreillette. Alors, est-ce que les deux modèles sont compatibles, alors, d'après vous? Je pense qu'il faut tendre avec le modèle paysan, avec le modèle de circuit court, mais qu'il faut accompagner l'autre modèle, parce qu'on ne peut pas leur dire du jour au lendemain, on arrête tout. Voilà, c'est accompagné par des mesures fortes. Et quand j'entends Madame Trudeau, je m'étonne un petit peu, parce que le nouveau ministre de l'Agriculture, son ancienne responsable de cabinet, vient de partir dans les lobbies des pesticides. Donc, c'est un petit peu dissonant par rapport à la volonté politique. Oui, mais elle était au gouvernement, enfin, elle faisait partie des arcanes du gouvernement jusqu'à présent. Il n'était pas ministre de l'Agriculture à ce moment-là. Sur la question notamment des paysans, au fur et à mesure de rencontres, on a rencontré pas mal de gens qui sont touchés par la grippe aviaire, et avec la difficulté où le temps les animaux sont mis de côté ou abattus, mais ça vaut aussi pour les vaches et autres, ils se retrouvent un petit peu démunis, notamment du point de vue salarial et du point de vue humain. Donc nous, ce qu'on propose, c'est quand ce genre... Déjà, c'est d'éviter que ce genre de choses arrive, mais quand ça arrive, que les formations puissent être prises en charge, parce que c'est aussi une volonté de la part des agriculteurs de se diversifier et de pouvoir à la fois soit être formé sur le bio, soit être formé sur de la ferronnerie. Et c'est de permettre justement à ces agriculteurs-là, ce laps de temps-là difficile, de le mettre à contribution par une formation qui leur est dédiée. Très bien. On va passer au sujet suivant, qui est finalement Horri Lotuik, hein, Jojo. Complémentaire, alors, véras, la volantxari, l'otzen aldugu ere inguramena, eta ez bakarrik la volantxari, funtsian. Gizarteko gai minbera netarik dugu inguramena. Horrela segituz, berotze efektua, pestiziden erabilpena, beti eta handiagoa, lurren artifizializazioa hor ditugu eta horrela segituz nolako lur hautziko dugu gure ondoko er. Demora berian, garapen ekonomikoa beharrezkoa da, gaztek enplegua atxeman dezaten gure errietan, baina nolako garapena. Abiadura handiko trenbide proiektua hor dugu, behin eta berriz main gainean ezagia, naiz eta tokiko jende eta autetxean hitzek ezetzeran, oloroneko desbideraketak eta ere jardokitzeak sortarazten ditu. Zer politika defendituko ote duzue? Odean, anik tondai, zuri lehenik. Bai. La question de la transition écologique, elle est essentielle. On en a beaucoup parlé. Elle doit être nécessaire à toutes les politiques publiques. Elle doit se traduire de façon transversale dans toutes les questions autour des questions qu'on se pose de grandes sociétés. Ça, c'est une évidence. Par rapport à la question de... Parce qu'il y en avait plusieurs thématiques. Celle que vous voulez que je continue, c'est celle de la LGV, je pense. Oui. Voilà. Celle de la LGV, l'accord qui a été voté au niveau du conseil départemental, parce que je pense que c'est à ça que vous faites allusion, il était un vote positif sur la tranche Bordeaux-Dax avec trois conditions suspensives. Dans les trois conditions suspensives, il y avait le fait qu'on améliore l'existant des petites lignes, il y avait le fait qu'en même temps soient démarrés les travaux sur ces petites lignes, et la troisième condition, que toutes les collectivités participent de façon équitable au versement, au paiement, au coût. Donc ça a été un accord de principe sur ce tronçon-là uniquement et avec des conditions suspensives. Iñaki Etxaniz. Oui, alors je vais essayer de remonter les thématiques les unes après les autres. Sur l'environnement, il est urgent de mettre en œuvre la planification écologique qui est au cœur de notre programme et qui agit de façon un petit peu transversale sur toutes les actions qu'on entreprend. Je voudrais parler d'un sujet concret qui revient un petit peu à ce qu'on a dit au début sur les services publics. Ici, l'Office national des forêts, qui est le maillon essentiel de l'entretien de nos paysages aux côtés des paysans et notamment des forêts, est passé de 80 à 50 employés. Ça montre à quel point le gouvernement actuel a voulu protéger l'environnement et a voulu investir dans les services publics. Donc nous, une des mesures phares, c'est de redonner les moyens à l'ONF d'assurer son travail et d'aller au-delà en donnant des moyens supplémentaires. Il y a aussi toute une question de mettre en œuvre dans les actions quotidiennes du gouvernement toujours cette règle verte qui fait qu'on ne prend pas plus à la nature qu'elle peut reconstruire derrière. Sur l'économie, on veut réorienter l'économie sur une économie du besoin, à sortir de cette économie du marché qui pousse tout le monde à acheter plus, à courir, à faire venir des choses de Chine en avion, en cargo. C'est vraiment de se baser sur cette économie du besoin au fur et à mesure de l'accompagner, de revenir sur de la production locale, de limiter au maximum les importations. Et sur la LGV, je vais le préciser parce que c'est important. Nous sommes opposés. Rapidement, s'il vous plaît, là, parce oui. que nous sommes opposés au projet de LGV. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de nouvelles études sur la saturation et la planification du fret ferroviaire pour dégager tous ces camions de Biriatou notamment. D'accord. On y reviendra. Voilà, ça marche. Ouais. Julien Lassalle. Oui, c'était quoi la question ? Sur l'environnement. Sur l'environnement, moi je veux partir de l'environnement de celui qu'on a, de celui qu'on vit et de celui qu'on est capable de faire. Et hélas, sur beaucoup trop de sujets, on n'est pas à écouter et ça parle pas de chez nous. Et pourtant, de l'environnement, on sait en faire. Et s'il est aussi beau, c'est qu'on a su et c'est qu'on a su le protéger. Alors moi, je pars du haut de la montagne. Il y a l'eau, il y a le bois. Et il y a l'herbe. Eh bien, cette eau, depuis toujours, dans la montagne, elle a lâché des cailloux, elle a lâché des graviers, des sables. Au fond, quand il y a une chute d'eau, si on y met une petite turbine, que ça fasse de l'électricité durable, que ça fasse de l'électricité décarbonée et locale, moi ça me va très bien et je défends ça. Mais aujourd'hui, on n'est plus à mesure d'entretenir un cours d'eau. Le lit monte, et alors quand il y a trop d'eau, ça déborde. Et alors si c'était que de l'eau qui débordait, ça ne serait pas grave. Mais hélas, la forêt aujourd'hui, je rejoins Iñaki, la forêt est aujourd'hui à l'abandon, c'est les mots que je prononce. L'ONF n'est même plus en mesure de donner le bois d'affouage aux communes. Et alors, imaginez donc de faire une coupe. Et alors, le bois, quand il est arrivé à maturité, il faut l'enlever, et ça, c'est pas un gros mot, c'est normal. Il faut le transformer localement et garder la valeur ajoutée ici. Parce que quand vous avez une table épaisse comme ça, en chêne, eh bien, ça, c'est du carbone qui est bloqué et qui reste ici dans les vallées. Et alors, entretenir les cours d'eau, c'est ma priorité, et la forêt. Et si on parle de là, une forêt, une fois qu'on a fait une coupe, il faut immédiatement régénérer avec des essences locales. Mais une forêt en bon état captera bien plus de carbone qu'une forêt vieillissante. Alors, je regrette, mais j'entends beaucoup de copains qui me disent qu'ils veulent sauver la planète. Eh bien, moi, je veux commencer à la sauver chez nous, en partant de chez nous, et après... Après, bien sûr, en allant de plus en plus loin. Mais soyons bons chez nous, déjà. Mm-hmm. Egoitz? Gure ustez, pandemiak eta gertatzen ari diren gertakari besteek erakusten dute ekonomia globalizatuaren hauskortasuna. Ekonomia desarautuak eta finantza espekulatiboen meneko logika horrek bizia bera urratzen du egungo egunean. Macron eta neoliberal guzi horiek logika horretan segitzen dute, desarautze logika horretan. Guretzat inguramena, ekonomia eta soziala uztartuak dira, jendetasuna zerri behar dugu politikaren erdigunean, eta ez ekonomia, eta horrek eraman behar gaitu eskemaz aldatzera, eta hortarako behar dira neurriak. Guk proposatzen duguna da zerga bat, zero lauko zerga bat informatika mugimenduetan oinarritua dena, informatika mugimendu diru iturrietan, finantza espekulatiboen zergapetze bat, horrek egungo egunean Frantzian 200.000 miliar euro suposatzen du, jakinez Frantzian PIB-a 2 miliar eurokoa dela, balitaike aski baliabide horrelako politika baten eramaiteko, behar dugu birtokiratu bizia, zerbitzu publikoak indartu, garraio zerbitzuak indartu, eta likukoak izan daitezen. Egungo egunean kontrako norabidean goaz, Olorueko desbiazioa sustengatuz, abiadura hondiko trenaren proiektua sustengatuz, erregioak egiten duen bezala, erraiten dute akize arte joanen dela, baina jakin behar da, diru iturririk ez dutenez, Europatik diru funts bat ukan dutela, eta diru funts horren baldintza dela, justuki, muga batekin lotzea, hau da, endaiatik akizerako bidea proiektuan da, orduan, hainbat lotxagarria, alkegarria egiten zaigu, entzuten ditugun posizio horiek. Debatea has dezagun, bon, LGV-ari buruz, lehere pentsatzen dut ikus mode, desberdinak badirela, konkretuki sartzen direlarik detaileta, mairan, Oloroneko desbideraketa ere badakigu, hor, eta ekologistak eta beren kandidatura utzi dutelarik, baldintza bezala ere, aipatzen zutela. Sur la déviation de Laurent. C'était une des conditions des écologistes, justement, pour soutenir votre candidature, Iñaki Etxaniz. Alors, quelle est votre position, justement, sur cette déviation? Alors, sur la déviation de Laurent, c'est un sujet complet, donc je vais essayer de prendre le temps d'y répondre. Elle appelle pas à l'ambition... pas trop long, oui, voilà. Elle répond à la nécessité de conjuguer l'ambition écologique, le développement économique du territoire, la sécurisation des transports, mais aussi la demande de la population. Et il me semble que les écologistes, c'était un petit peu le point central du début de leur campagne, enfin les écologistes, les pieds sur terre, parce qu'on a des écologistes dans notre équipe, c'était de prendre en compte les demandes de la population. Et à Oloron, à Gurmançon, à Azasp, et sur l'ensemble des villages, cette déviation, elle est demandée par la population. Et il est nécessaire de la faire parce qu'aujourd'hui, la ville d'Oloron et ses villages-là sont traversés par des milliers de camions. Et les structures ne sont pas faites pour nous, en tant que conseiller municipal à Oloron. On veut développer la circulation apaisée. Mais comment on le fait? Et notamment, c'est une des demandes des pieds sur terre. Comment on le fait si on laisse continuer de traverser les camions? Interdire les camions, c'est juridiquement pas possible. Et si ça l'était, c'était juste déplacer le problème ailleurs. Donc nous, la position qu'on prend, c'est qu'il faut développer il faut mettre en œuvre cette déviation-là pour la sécurité et la santé des habitants, mais en même temps poser la sécurité, la nécessité de la compensation écologique qui sera, si je suis élu, scrutée de près, notamment avec les associations de défense de la nature. Je me mettrai dans leur sens pour que la moindre action sur la nature puisse être compensée au-delà de l'impact qu'il y a eu. Anik tonda, jostean, epatu duzu LGV eta defenditu duzu, beraz, departamentoan hartua izan den erabakia. Konkretoki zu autetxia izan ez hemen, eta eskualeritik den pasabidea proiektua main gainean da dena den, ze defendituko duzu? Zer nahi duzu? Eskualeritik pasatzia, abiedura ondiko trenbide berria. Ah, ez dela beharrik de TGV jusqu'à pour traverser le Pays Basque, je pense pas du tout que ce soit utile. Améliorer l'existence, c'est-à-dire augmenter les cadencements et faire du réseau ferroviaire une force de mobilité beaucoup plus prégnante, je suis tout à fait favorable à cette question-là. D'ailleurs, ça c'est un travail à mener avec la région, hein. Je vous rappelle que c'est la région qui est en responsabilité sur les cadencements des trains. Effectivement, cette question des déviations autour de la zone d'Oloron et de sécuriser la RN 134, c'est aussi, ça participe aussi à ce désenclavement de ce territoire. Ça nous semble très important, effectivement, d'aller vers là, mais également de développer le ferroviaire avec le ferroroutage. Hein, ça fait partie des choses qui sont en route au niveau du gouvernement. Le ferroviaire ou le ferroroutage ? Le fret ferroviaire et le ferroutage, les deux. Parce que vous savez. Le ferroutage, c'est pas possible. Hein. C'est le ferroutage, c'est mettre des camions. Et donc, du coup, oui, les camions, ça, une fois mettre des camions sur les trains et pour pouvoir faire avancer. Donc, du coup, après, les camions reprennent leur route. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le fret ferroviaire. Mais le fret ferroviaire et le fret également, le ferroutage, c'est une possibilité, un développement pour l'avenir. Vous savez, les responsabilités des élus d'aujourd'hui, c'est aussi de penser à l'avenir pour demain. Donc, effectivement. Je sais, j'ai 28 ans. La participation. À la réflexion sur la LGV, c'est pour les enfants de demain qui sont... parce que c'est un projet à 35 ans. Donc on doit avoir une vision un peu globale. C'est pareil pour ce projet de ferroroutage. C'est une perspective, une ambition qu'on a droit d'avoir. En tout cas, ça passera par là, aussi par le développement de la fibre. Hein, on a un petit peu parlé de ça, mais je pense que la version très écologique de la fibre, c'est aussi de pouvoir permettre la création de tiers-lieux en milieu rural, de façon à ce que les personnes puissent travailler en autonomie, en télétravail, et permettre aussi moins de déplacements. Ça fait partie aussi d'une forme de transition écologique, à mon sens. Lucien Lassalle, vous avez parlé de démarrer une politique écologique de la montagne. Mmh. Et globalement, sur la quatrième circonscription, il y a quand même des sujets... Et on a parlé de la LGV. Votre position sur la LGV? Mais la LGV, je pense que... moi, j'ai quand même envie de savoir c'est quoi le projet. Est-ce que c'est justement de prendre les camions et de les enlever de la voie française, on les prend au Portugal et on les amène. Est-ce que c'est ça la question ? De toute façon, ma position pendant ce mandat, la LGV n'est pas une priorité. On a bien d'autres choses à faire avancer sur ce territoire, notamment le numérique, notamment les routes. Ça, pour moi, ce n'est pas la priorité du mandat. Et je ne serai pas réélu puisqu'on va passer à la proportionnelle et qu'on va perdre 200 députés. Alors... Pas de souci, ça sera ça sera porté par le prochain député. Egoitza, azken izbata. Nik uste otor, bai departamentoan egin den bozketak abiadura hondiko trenaren inguruan, eta bai NUPZ-koen posizioak erakusten du betiko, ez? Alde batetik A eta bestetik B, hor nahasten dira biak. Guk pentsatzen dugu garraio politika bat behar dela hurbilekoa, hurbileko garraio hori pasatzen da proiektu iraunkorretarik eta hori trenbideak indartzetik, hor bada Powera doan, Kanfranetik doan trenbidea indartzetik eta Garazitik Baionara doan trenbide hori indartzetik, nahiz eta erregibaren kompetentzia izan, hortan eman behar ditugu indarrak, eta ez gira trompatu behar. Hor egiten ari diren desbiazio horiek, ez dira etorkizuna. Ari dira etorkizuna hemen, planifikazio ekologikoa aipatzen da, baina ari gira laborantza lurrak esintxikatzen. Aipatu da Olueko desbiazioa, baina aipagen ezake ere Siberoako desbiazioa, hor bildozetik bera egin nahi den hori, 5 minuta irabazteko nahi dira laborantza lurrak esintxikatu, eta hori ez da geroa. Hori ez da geroa, eta pentsatzen dugu zinez, ausardia behar dela horrelako proiektuak bertan bera usteko eta bestelako norabide batean ezartzeko. Untsa, jarrekiko dugu behant animala hartu dugu, behant amini bat badugu eta badutugu deja behazale sumaiten galtro, ordin nahi baitugu arte hoi begiatu, entxatuko dugu zke sal hejuitea ondoko aipamenan, lekuko instituzioniak aipatu behar dutugu, demokrazia eta libertati, ordin eginen daiziet galtro bat hatxarin hoi beno zabalago zen, bena zerratiago eginen dut galtroa, COVID denboan ikusi dugu, delibeuak paizetik hartzen ziela, bena egun oztakuan agertzen da horroentako ebai, bada, heben, Euskal Herrin behikia parka, bena Euskal Alkargoa bat, aski ahalik badia Euskal Alkargoa horrek, eta altezideia, ahal habo edo potere habo ukendezan, eta kompetentzia habo, hotx habo ukendezan, Euskal Alkargoa kanik trundai hasteko. La question, elle est de l'évolution institutionnelle que vous posez. Oui. Hein plus de compétences pour la communauté d'agglomération Pays Basque. Alors, les compétences, elles sont déjà toutes prises par la communauté d'agglo Pays Basque. Donc, il n'y en reste plus beaucoup. Elles ont été prises du côté obligatoire et optionnel. Elles n'ont pas toutes les compétences. Elles pourraient prendre, par exemple, quelques compétences du département, encore. Actuellement, non. Parce que le chef de file de l'action sociale, c'est le conseil départemental. Et c'est une règle qui est une règle régalienne. Donc cette partie-là de cette règle, à moins de devenir une grosse métropole, hein, c'est les métropoles qui ont pu prendre cette délégation, donc comme Lyon, par exemple. Donc, mais voilà, je ne souhaite pas à Bayonne de... Pour ma part, je pense que les compétences, ça veut dire des personnes qui savent travailler dans le social depuis très longtemps, hein, ça veut dire autour de la personne âgée, de l'APA, autour du handicap, autour de la protection de l'enfant. Ce sont des services qui sont décentralisés depuis très longtemps au niveau des conseils départementaux. Et effectivement, cette question-là, il me semble, est une forme d'expertise. Et il me semblerait dommage que ça soit centralisé dans un endroit où ça puisse ne pas être le cas. Mais la complémentarité des deux institutions me semble nécessaire. Et moi, je pense qu'il faut aller plus loin et sécuriser le fonctionnement de la communauté d'agglo Pays Basque de façon à ce qu'elle soit sécurisée, je dirais, parce que faire confiance aux élus locaux, c'est important. Très bien, merci. On va continuer avec Iñaki et Chanis. Plus de compétences pour l'agglomération Pays Basque, c'est possible? Par exemple, quelques compétences, on a parlé du département, mais ça peut être de la région aussi avec les transports qui sont, même s'ils sont en partie à la communauté d'agglo, davantage de compétences de ce côté-là aussi? Je pense qu'avant avant toute chose, il est nécessaire de faire le point justement avec les élus locaux, avec les parties prenantes de la communauté d'agglo, pour faire un état des lieux de ce qui fonctionne bien et de ce qui fonctionne moins bien. Parce qu'avant de vouloir aller plus loin ou modifier ou revenir en arrière, il faut déjà faire un état des lieux de ce qui se passe actuellement. Et en fonction de cet état des lieux, c'est vraiment prendre le poumon des élus locaux, parce que c'est eux qui sont au quotidien confrontés soit aux facilités, soit aux difficultés. Et c'est d'être le relais, nous, députés, de ce qui se passe sur les territoires, de faire remonter les aspirations et les colères des habitants, mais là, sur ce sujet-là, des élus locaux, pour améliorer le fonctionnement des institutions. Nous, on a la volonté de passer sur une constituante, de revoir, de redynamiser, de redonner du souffle à notre pays, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la 5e République, même si elle a apporté beaucoup de choses, elle commence à les transformer dans un système de présidentialisme, pardon, où il y a une véritable verticalité de la politique. On est élu le président en 5 ans. L'Assemblée nationale, ces 5 dernières années, ça a été une chambre d'enregistrement. Donc il faut apporter... Une 6e République, donc. Oui, une sixième République constituée par une constituante. Mais d'ici là, dans tous les cas, c'est la reconnaissance du vote blanc, le référendum d'initiative citoyenne, et partir sur une volonté politique d'horizontalité, de prise en compte des besoins des territoires. Et c'est ça, pour moi, le rôle d'un député, c'est de débattre au sein de l'Assemblée nationale et pas de juste de voter les lois comme le gouvernement peut le demander. Monsieur Lassalle, on parle de l'agglomération Pays Basque, mais on voit que beaucoup de décisions sont prises de Paris, justement. Alors, au niveau démocratique, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ces décisions verticales et bien trop souvent hors sol. Moi, je veux revenir au statut du maire, qui est le socle de la démocratie, lui donner la liberté de choisir, lui redonner les prérogatives et lui redonner les dotations, et bien sûr qu'il soit en liberté de choisir la taille de communauté, de commune à laquelle il a envie d'adhérer. S'il a envie d'adhérer à une agglo où il y a 159 communes, bien sûr, si c'est son choix, moi je respecterai leur choix. Mais voilà, je repars de là. D'accord. Egoitz, urentzeko, ikilan? Neustez, COVID-ak argi erakutsi du zentralismoan oinarritu erabakien aberrazioa. Badakigu inteligentzia kolektiboa badela lurraldetan, eta erabakiak hartu behar dira lurraldean herritarrenganik albezain hurbil. Ez dugu antzi behar hirigune elkargoa aintzin, sortu aintzin aldarrikapen bat abian zerria zela Ipar Euskal Herrian, hautetxien gehiengoak, herritarren gehiengoak sustengaturik lurralde kolektibitatearena. Gure ustez, lurralde kolektibitate bati buruz joaitea ezinbestekoa da. Lurralde kolektibitate bat autonomoa, potere legegilea ukanen lukeena, hortan eman behar dira urratsak ondoko urteetan. Jo, honen mundela, ipatzen delaik? baitaik? Nola? Lyonen modela ipatzen baitaik. Benik uste dut arago joan behar dugula. Kortxikan momentuntan ez da bai da hor da, Bretañan ere ez da bai da hor da, frantxez estatuan behar da paradigma aldaketa bat. Zentralismoak ez du gehiago lekurik. Lekuko herritarrei eman behar zaie ahalmen hori. Orduan, argi duguna da, seigarren errepublika hortarik ez dugula gauza hundirik goitatzen. Belansoren ikuspegi zentralista eta uniformizatzailetik ez da deus honik ginen, sozialistek ere bere garaian ukan zuten manera zerbaiten egiteko ikusi dugu laurtan hogeita bateko proposamenak nun gelditu ziren. Hala, pentsatzen duguna da hor behar dela zinez kanbio bat eta behar dela herritarrenganik albezain hurbil hartzeko egitura horiek abian ezarri eta norabide hortan urratsak emaiten hasi. Untsa, komprenitzu jagu bako sen ikuspuntia Maluskin, demua izin aizaik ordin aipamen hori hortan utziko dugu behituk beste aipamen importen bat bai behazalen galtuak ukeben horrehen jojo. Bai, ordeon, azken aipagaia behazaleak aintzin, bake prozesua eskolegian badu ameka urte orai aieteko deklarapena egintzela, bake prozesu bat abiarazin aian, eta ondoko urtean, Baionan bildu ziren tendentzia politiko ezberdinetako ordezkarien arteko deklarapena egintzen. Eta astapenetik, eta orai arte, gizarte zibilaren engaiamendu argia plazaratua izan da. Baina, berriz ere, frantses gobernuaren blokatze egoera batean beraz agertzen gira. Jakes Esnal, Jon eta Unai Parrot beti preso dira, 32 urte presondegian egon ondoan eta beti han egonez. Gainera, Urruñako gazte bat, Gabi izeneko atxilotu dute berriki, bakebideak galde egiten dauzie, mugimenduak, bake prozesuaren aldeko engaiamendu bat hautagaieri. Bai eta ere, ekainaren amekan iraganen den manifestaldian parte hartzerat. Orduan, Julien Lazal, zurekin hasten gira, zer erantzuten duzu? Alors, je pense que la grande avancée qui a été proposée par les Basques n'a pas été suivie par l'État. Alors, moi, je propose que la première des démarches, c'est évidemment de rapprocher les prisonniers et d'obtenir la reconnaissance de l'État français et de l'État espagnol. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, le député que je serai se mettra à la disposition de cette cause. Je n'ai pas de solution toute faite, mais j'ai envie d'être un artisan de paix et d'aider le rapprochement des positions. Anik Trundai, ordeon, bada galdera bat, arrangura bat, prozesu hortan parte hartzen dutenek, ikusten baitute azken urte hauetan, blokatze egoera batean girela. Alors moi je voudrais quand même rappeler qu'effectivement au niveau du rapprochement des prisonniers sur lequel j'ai toujours été favorable parce que de point de vue de la famille, des enfants, des personnes autour des prisonniers, il me semble que c'était la double voire la triple peine, c'est-à-dire que les déplacements tous les week-ends pour aller voir la personne de leur famille qui était emprisonnée entraînait des impacts importants au niveau de la famille et le rapprochement des prisonniers j'ai toujours été favorable pour par rapport au bien-être de la famille, ce qui n'empêche pas la sanction qui était posée pour la personne qui était emprisonnée. Et je voudrais rappeler que c'est la première fois quand même, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je suppose que oui, quand même, plus de 40 prisonniers basques ont été rapprochés dans le sud-ouest, dans le mandat d'Emmanuel Macron, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Donc ça, cette question-là, elle me semble très importante de la partager, parce qu'elle est peu dite, et je tenais à le faire. Quant au processus de paix, il me semble évident que oui. Il y a aussi, dans la situation actuelle, des demandes qui ont été répétées, où des juges et des procureurs localement se sont positionnés favorablement pour la libération de prisonniers qui ont passé quand même 32 ans en prison. Et ensuite, il y a des blocages dans les niveaux supérieurs, donc au niveau du gouvernement. Donc ce blocage existe. Alors ça c'est une interprétation de votre part que je ne me permettrai pas de faire. Vous savez bien que la justice est indépendante et que c'est la justice qui décide. Qu'est-ce qui fait que les choses bloquent? Moi je n'ai pas de connaissances sur ce sujet-là pour savoir pourquoi ça bloque. Le processus de paix, il était une évidence pour moi qu'il faut continuer à le mener tel que ça a été fait et je pense que il y a une vraie volonté du gouvernement d'aller dans ce processus de paix et pour moi en tout cas aucun procès d'intention sur cette question-là et une certitude que c'est vraiment le souhait de la population mais également du gouvernement d'aller dans ce sens du processus de paix. Egoitz. Ni pentsatzen dut estatuaren aldetik mespretsua eta humiliazioa besterik ez dela gertatzen ari mementuntan, estatuaren logikak inposatzen ari dira. guzi horrek gatazkaren sortzetik edo iturburutik gehiago du gatazkaren konponbidetik baino. Presoetaz ari gira, baina ez dugu antzi behar hizkuntzarekin gertatzen ari dena mementuntan, eta bestelako gaietan gertatzen ari dena. Orduan, mendekua eta gorrotoan oinarritzen den justiziak ez du gerorik. Munduko gatazka guzietan, konponbidean eman diren urratsetan, gatazkaren ondorioa pairatu duten guzien erreparazioa main gainean eman da, eta horien artean, justizia transizionalaren bidez, presoen etxeratzea. Hemen ez da olakorik gertatzen ari, eta ez bakarrik hori, aipatu du hurbiltzea Tundai andereak, ohartarazi behar zaio, hurbiltzea legearen aplikazioa besterik ez dela, Europak manatu legearen aplikazioa baizik, eman da opari bat izango balitz bezala, baina ez da olakorik, ez da olakorik gertatu. Le caractère de détenu spécial pour pouvoir le faire, et ça a été fait. Justuki, gertatzen ari dena da Frantzian, bai, gertatzen ari dena da, euskal preso politikoei, nolarran, presoa arruntei ezartzen ez zaizkien zigorrak eta mekanismoak ezartzen zaizkiela. Nola nahi da kontsideratu DPS estatuto bat atxikitzea, gatazkaren alde bortitz bat desagertu denean. Nola nahi da onartu erraitea badela irriskua berriz errepikatzeko prokuradoreek, baina ez bakarrik prokuradoreek hori adierazten dutenean, badakigularik egungo egunean Euskal Herrian zertan giren. Uste dugu hor badela errespetu faltaz arago ardura gabekeria izugarria estatuaren aldetik, beste gatazketan Frantziak duen posizioa, konponbidean, ez du Euskal Herriko gatazkari dagokionez. Hori argigarria da. Eta gure ustez jinda mementua, nahi bali badugu bake iraunkor eta justu bat eraiki, preso guziak, ieslari guziak, etxeratuak izan daitezen. 32 urte preso direla Jakes eta Jon, eta Unai, 32 urte, hori aberrazio bada, zigorra bete dute, eta kartzelan balin badira, da, preso arruntei aplikatzen ez zaizkien, normak eta zigorrak aplikatzen zaizkielako. Orduan, horrekin bukatu behar da. Iñaki Txuniz. Oui, alors sur cette question du processus de paix, nous on avant de rentrer dans cette élection politique, on était à la fois Cécile ici localement membre des militantes au sein des artisans de la paix, et j'étais moi-même à l'époque où j'ai travaillé à Paris bénévole pour la manifestation qui avait lieu, la grosse manifestation qui avait eu lieu à Paris. Donc nous tout naturellement, on est pour la sortie du régime d'exception, pas juste le rapprochement des prisonniers qui est déjà une première chose, mais le point essentiel comme l'a dit Egoy, c'est la sortie de ce régime d'exception, parce que si on veut une paix durable et effective dès maintenant, il faut aller de l'avant, il faut que l'État français s'implique de façon ferme dans ce processus de paix, qu'elle pousse l'État espagnol aussi à y rentrer. Moi, j'ai passé une partie de ma vie chez ma grand-mère avec au drapeau, avec au balcon les drapeaux Euskal Presoak Etxera, donc c'est quelque chose que je connais, que je m'y suis intéressé, j'ai beaucoup lu à ce sujet-là, et donc c'est un sujet que je porte et que je porterai avec vigueur et fermeté au sein de l'Assemblée nationale, pour qu'enfin les aspirations de la population, des familles et de tout ce système au Pays Basque puissent être entendues, pour tourner la page, pour passer à autre chose et pour permettre aux prisonniers de sortir, parce qu'ils ont effectué leur peine au sein du régime normal, et on ne peut pas accepter que des prisonniers malades soient maintenus en prison du fait de leur statut d'exception. Donc c'est mettre vraiment fin au régime d'exception. Markatuko didazu, baina 2011-tik, 2017-ra, sozialistak boterean egon zarete Parisen, eta tupeta izan behar da, orain olako diskurtso baten ukaiteko. Ukanduzue manera gatazka honi aterabide duin baten emaiteko, eta ez da olakorik gertatu. Nik zinez damugarri atxemaiten dut, bazen utelako manera egoki batean horri alde baten itzultzeko. Domaia da, egungo egunean, giren egoeran aurkitzea. Oui, alors rapidement. Ouais, pour répondre, j'entends les interrogations et les doutes d'Egoïs, mais moi ce que je tiens à dire, c'est que c'est pas parce que j'appartiens au Parti socialiste que je suis responsable de tout ce qui s'est passé. Au contraire, nous on veut apporter aujourd'hui une rupture dans la politique qui a été menée, dans la rupture sociodémocrate ou néolibérale qui a été menée par les différents partis, dont celui auquel j'appartiens. Moi, je fais partie d'une frange du Parti socialiste qui a toujours milité pour ce replacement à gauche, et je l'assume. Moi, j'ai manifesté à l'époque de la loi travail, j'ai manifesté à l'époque de la déchéance de nationalité, et je suis très heureux aujourd'hui de porter ce renouveau du Parti Socialiste, et je m'engage, et c'est, enfin, parce que c'est dans mes tripes aussi, à porter ces revendications-là, et j'entends les doutes, mais j'affirme aujourd'hui que je suis parti d'une nouvelle génération de gauche qui veut porter ces combats. On a bien compris là. Je voudrais entendre Julien Lassalle quand même. Julien Lassalle. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est par rapport au processus de paix en Pays Basque et les positions que vous défendrez. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Je veux me mettre à la disposition du dispositif. D'accord. Et accompagner. D'accord. Mais, d'accord, vous mettrez votre détermination justement dans ce sens-là. Et je pense qu'en termes de médiation, j'ai apporté quelques preuves dans ce que j'ai fait. Et je ne me sens pas démuni du tout dans ce registre-là. Alors, on a peut-être dépassé le temps, mais on va quand même en prendre un petit peu pour donner la parole aux auditeurs. Oui, on va voir si on a eu des gens qui ont été à la Bost, Bost Bediatsu, Hogeita Hama Saspi, Hamalau Hameka, Ordien, même Antoine, est-ce que tu as eu des gens qui ont été à la Ordien, Galtohoi, Souetakoda, Anik Trundai, Emmanuel Macronek hun hartzen balin badu, ordin hoi da hartzain baten galtu, hartzain anonimo baten galtu, Emmanuel Macronek hun hartzen balin badu, hartz haboen e karastia, aitzinetik egin dian bezala, akort izan entziaia, ala ez? Ez, klarki ez. Aski badela, waia hartio. La biodiversité a été suffisamment respectée à mon sens, et que l'être humain va passer avant, maintenant, l'animal, je pense qu'on est, on est bon au niveau biodiversité, ça va aller. Voilà, on va pouvoir mettre le casque parce que les auditeurs sont... on a un auditeur, je pense, à l'antenne. Egunon ? Oui, Gawon, oui. Oui, Gayoun. Et maintenant, on se riche là. Oui. Voilà, comme ça, c'est clair. Et je voudrais revenir sur un certain nombre de sujets, et tous ces sujets-là se décident à Paris. Pas trop long, hein. Et sauver la Lucénia, au total. Non. Cette capitale-là, elle décide de l'agriculture. C'est au ministère de l'Agriculture que les subventions sont accordées aux paysans français. Et à nous aussi, et on sait que 80% des aides vont à 20% des paysans. Au niveau du foncier, c'est toujours dans l'agriculture, c'est aberrant de voir que la SAFER est complètement dépossédée de ses droits dans l'affaire d'Ascarat. C'est-à-dire que parce qu'il y a deux vieux qui sont en mal de succession, on va remettre en cause tout le plan de développement d'un village comme Ascarat. C'est incroyable. Au niveau du logement, c'est encore décidé à Paris. Qui c'est qui décide des zones tendues? C'est au ministère du logement. Quelle est la question? J'arrive. Au niveau de la fiscalité du logement, pourquoi on paye plus d'impôts quand on loue à l'année que quand on loue à saisonnier? C'est encore à Paris que ça se décide. Les prisonniers politiques, eh bien, puisqu'ils sont rapprochés, il n'y a qu'à les laisser crever en prison, comme ça il n'y a plus de problème. Et puis au niveau du basque, au lieu de la langue basque et de la langue béarnaise, c'est quand même extraordinaire que le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire la plus haute instance de l'État français, encore à Paris. Il nous faut la question, là. Parce qu'on a pris du retard, déjà. Il faut poser la question, là, cette fois-ci, s'il vous plaît. Il va décider, parce que c'est des grands experts en éducation. Ce sont des repris de justice. Fabius, dans le sang contaminé, Juppé, dans les emplois fictifs. Alors, moi, je n'ai pas de détour, hein. Je ne vais pas vous commencer à dire qu'on va accompagner les si on va... Très claire la question à chaque candidat. Est-ce que vous êtes pour faire comme Darmanin d'aller jusqu'à l'autonomie du Pays Basque? C'est clair, non? Darmanin, c'était pas l'autonomie du Pays Basque, oui? Autonomia est pas tout de Corsicarenzata. Oui, Corsicarenta, bon, Corsicarenta. Annick, zuri erantzuna, bon, badira puntua ainitz, baina gauza ainitz... Azkenazia galtua, eh? Gauza ainitz Parisen esku dela, ez zute dea momentua, gehiago eskumen izaitia eskualerian berian, eta ez Parisen peko egoiteko, untza ulertu bali madut galdea. Uste dut hori dela galdera, ba, untza ulertu dugula. O azar, la question, evidemment, et pour moi, je suis bien sûr tout à fait d'accord pour décentraliser beaucoup plus encore que ce que ça n'a été fait. Il faut qu'on aille plus loin. C'est vraiment ça que j'ai très, très envie de faire. C'est une certitude pour moi, oui. L'autonomie, beaucoup plus loin? Ah non, pour aller dans la décentralisation. Alors, l'autonomie, du point de vue de la Corse, je pense que chaque territoire a vraiment une histoire propre. Du point de vue de la Corse, je pense que c'est vraiment à réfléchir d'un aspect très... Enfin, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Moi, je crois que chaque territoire a sa spécificité. Je pense qu'il vaut mieux déjà travailler sur la communauté d'agglo Pays Basque et le territoire tel que nous avons déjà avec les élus locaux et redonner ce réalisme local aux élus locaux plutôt que d'envisager entre la centralisation totale à Paris et l'autonomie totale ici. Il y a un moyen terme qui me semble intéressant de développer. Voilà ma position. Egoitz. Lehen arrapostu eman dudala, ari zira erraiten autetxiek, Tondai Andereak erraiten du autetxiek irigun elkargoa sortu dutela eta hori garatu behar dela. Ez dugu antzi behar, hemengo autetxien gehiengoak eta eragile sozialen gehiengoak lurralde kolektibitate bat galde egiten genuela, kompetentzia zabala zuen izango zuken lurralde kolektibitate bat. Badakigu lurralde kolektibitateen bilakaera zein den, autonomiari buruzko urratsa hor tartean da, Kortxikan hola gertatu da, beraz, Kortxikan bezala, hemen badu zilegitasun osoa, gai horrek lotzeak. Ulertzen dut, departamenduan zango bat duenak eta interesak departamenduan ere dituenak, ez aldeko jarrera hori ukaitea. Hala, ulertzen dut, baina lurraldearen... Mintzo gira Ipar Euskal Herriaz momentuntan, ez girari bihar noaz baizik, baina orduan erraiten dizudana da, hemengo gehiengoak hori adierazi duela, beraz logikoa litaike, gobernuak demokrazian sinisten balin badu, lurralde honen gehiengoak adierazi duenari bide matea. Biharnoan eginen dute biharnesek nahi dutena. Gure ustez herriari eman behar zaio hitza eta erabakia. Beraz, biharnesek nahi balin badute egungo errealitateaz haragoko urratsik eman, haien esku izan behar da eta onartu beharko litaike. Hala, guk pentsatzen dugu bide hortan urratsak emaitea beharrezkoa dela. Beste behazal... Bai, uste dut, galde bat, beste galde bat bat dela. Entzun dezagun. Pardon, je ne sais pas si vient le basque. Ba, mais vous pouvez parler en français, sans problème, hein? Non, non, mais je suis en train d'apprendre le sous-le-tien, presque je le parle. Ah, quelle est votre question? C'est le plus dur, ça. Quelle est votre question? Alors, ma question est, que ferait le député futur pour sauver l'hôpital d'Oloron? D'accord, donc la question, c'est pour tous les participants. Oui. Alors, on démarre avec Julien Lassalle. Oui, si vous voulez. Oui. Alors, l'hôpital de Laurent, eh bien, moi, je vais revenir à des vieilles, à une manière de fonctionner qui a fait ses preuves. Eh bien, moi, j'ai envie je vous ai dit tout à l'heure, de revenir vers la commune. Et l'ARS, qui devait être une agence de proximité, est devenue uniquement une agence comptable. Moi, déjà, je pense qu'elle aura des comptes à rendre. Enfin, je ne suis pas sûr que ça viendra, mais il me semble. Je confierai la santé directement au préfet et aux élus. Et croyez-moi que ça, on change la photographie d'un territoire en pas beaucoup de temps. Iñaki Etxeniz. Oui, l'hôpital public d'Oloron, les urgences d'Oloron sont symptomatiques de la politique néolibérale qui a été appliquée aux services publics et qui ont vu se développer les difficultés. Il y a plusieurs axes. Une politique générale à mener au niveau de la santé, c'est à la fois revaloriser le salaire des soignants et des accompagnants, leur donner des meilleures conditions de travail, recruter et aussi réfléchir ensemble sur une nouvelle installation des médecins à leur sortie des études, une mesure transitoire qui amènerait soit à la fois les internes mais aussi les nouveaux titulaires à venir sur ces territoires-là pour se rendre compte qu'en fait ils sont pas si peu attractifs qu'on peut le prétendre quand on est à la fac. De dire, voilà, ici, on y vit bien, on a besoin de vous, et c'est de revoir complètement ce système de santé qui a été, ces dernières années, vu d'un point de vue comptable, où l'hôpital, il devait être bénéficiaire. Non, pour moi, la santé des gens, c'est pas une question de bénéfices ou de déficit. Il faut pouvoir, ici, sur l'ensemble du territoire, avoir cette notion d'équité territoriale pour les services publics, pour la santé, parce qu'on peut pas accepter, si on parle de l'hôpital d'Oloron, que s'il y a un accident à l'Esquin, un autre à la Reims, c'est un accident de la route à Oloron, qu'un hélicoptère agisse, il va sauver qui ? Trois personnes. Un hélicoptère, c'est pas acceptable, c'est une rupture d'égalité et l'État est responsable. Et la politique d'Olivier Véran et le Grenelle de la santé, qui a été le Ségur de la santé, et tout le monde est d'accord pour dire que c'était une coquille vide, qu'il n'y a pas eu d'effet et que c'était encore une fois un effet d'annonce. Donc il y a un véritable plan d'urgence à prendre aujourd'hui, dès qu'on aura la majorité, pour mettre fin à ce système-là destructeur pour l'hôpital public. Annick Tournaille. Oui, je suis très étonnée quand même d'entendre ces arguments, monsieur Etchanis. Vous le savez très très bien, parce qu'une situation comme celle de l'hôpital de Laurent n'arrive pas du jour au lendemain. Vous le savez très bien, on arrive à une situation très complexe. Et si je ne m'abuse, vous êtes élu à Laurent, et il y a très très longtemps que cette situation n'a pas été prise en main par les élus locaux, dont ceux de Laurent. Alors, donc, ça, c'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Mais non, comme ce vous, n'est pas vous, de la vous diffamation. Avez dit, vous avez dit que vous, suis, vous avez alors, apporté moi, vous le dossier sur le bureau parler, du président. S'il vous plaît, monsieur Est-ce que vous avez consulté les élus? Pas du tout. J'ai déposé ce dossier sur le bureau d'Olivier Véran, qui a porté un œil très attentif. Sur le bureau du président. Oh, mais écoutez, vous savez très bien de quoi on parle, parce que jusqu'à preuve du contraire, Olivier Véran est un ministre vous êtes du président. Déplacé à Laurent. Vous êtes déplacé à Laurent. Bien vous avez sûr, vu les soignants, j'ai rencontré vous avez vu les élus tout le locaux. Monde. Alors, vous n'allez pas m'empêcher de parler sur ce dossier. Il est actuellement sur le bureau de Brigitte Bourguignon. Elle en a une oreille très attentive. Ça veut dire que je me suis saisie déjà, en tant que candidate, sur ce dossier. La vision globale, ça veut dire aussi former des assistants médicaux qui vont pouvoir prendre en charge le travail administratif au sein du milieu hospitalier pour pouvoir dégager du temps sur les soignants eux-mêmes. Ça veut dire, encore une fois, travailler sur la maison médicale de Laurent pour pouvoir désengorger les urgences de Laurent, je l'ai dit tout à l'heure. C'est très important d'avoir une vision globale. Et 500 globale. 000 euros que vous avez promis, Et sont ça, où alors, la maison de santé, vous y revenez systématiquement mais oui, mais dans tous les débats. Oui, mais parce que c'est vous qui attaquez les élus locaux que vous prétendez défendre. Question, ils vont être heureux d'entendre tout ce que vous dites sur leur dos, que c'est leur faute si l'hôpital de Laurent, il en est gens, là. C'est scandaleux, vos propos, madame Trondaille. Ils sont scandaleux, vos propos. La façon dont vous parlez vous appartient. Vous mettez en cause la responsabilité des élus locaux dans ce qui arrive. Je ne mets en aucunement responsable. Essayez de ne pas parler en même temps, s'il vous plaît. On a du mal à comprendre, là. J'ai dit que la situation était globalement partagée et par les élus locaux et par les gens qui ont travaillé autour de ces projets. Vous avez dit que c'est la responsabilité des élus locaux, l'état de l'hôpital. Pour comme ça vous arrange. Mais de toute façon, l'idée, c'est que de toute façon, ce travail-là, il reste à mener et que si j'ai la chance d'être députée, je le mènerai avec la certitude toute qui est la mienne, avec tous les gens qui seront autour de la table, dont l'ARS, dont les élus, dont les soignants, dont les usagers, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire. La question de la maison de santé, vous le savez très bien, qui aurait pu être menée avant, n'a pas pu aboutir non plus. Et globalement, je sais très bien que cette façon de travailler permet aussi de désengorger le service médical, et vous le savez comme moi. Donc ce projet, il vaut mieux quand même être proche de la majorité présidentielle pour pouvoir le porter au mieux. Je m'y engage. Et puis vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Ça veut dire que si j'ai la chance d'être député, je le porterai. Si toutefois je ne le suis pas, je continuerai à travailler avec les élus locaux sur ce dossier, notamment monsieur le maire et notamment les conseillers départementaux, et je le travaillerai de bon cœur. Parce que je suis très touchée par la souffrance humaine, et vous le savez très bien. Et donc je compte vraiment tout faire pour pouvoir apporter ce projet et le faire aboutir. Frantsesez erantzungo dut ulertua izan dadin. Donc il me semble que la majorité actuelle veut sauver l'hôpital alors qu'elle a œuvré ces dernières années pour la mettre à terre. Donc il y a 17 600 lits qui ont été fermés. Donc il nous semble qu'il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Il faut que les services publics... C'est la gestion de l'hôpital que vous remettez en cause, vous, monsieur. Il faut changer de paradigme. Il faut que les services publics soient au service de la population et non au service des logiques comptables. Aujourd'hui, le choix de Macron, il est très clair. C'est privatisation des services publics avec les conséquences dramatique dans les territoires, avec une inégalité qui se déploie dans les territoires. Donc pour ce faire, il faut activer les leviers de la fiscalité pour prendre l'argent là où il y en a. On a vu que pendant la pandémie, il y avait suffisamment d'argent. Comme par hasard, l'argent est apparu alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc il nous semble que cet argent-là, il faut le destiner pour qu'il y ait des services de proximité, services publics de proximité, de santé, de qualité. Mais il faut sortir de la logique libérale qui est celle de Macron. Julien Lassalle, vous avez quelque chose à rajouter? Vous êtes en retard en plus au niveau du temps de parole. Donc... On parle un peu plus en conclusion. Il va y avoir une conclusion. Voilà, oui. Voilà, maintenant. On démarre avec la conclusion. Mais si vous voulez prendre la parole, monsieur. Mais oui, je veux bien. Alors, j'ai eu une semaine difficile au moment de prendre la décision. Il me semblait que la marche était un peu haute. Est-ce qu'un berger peut se projeter à ce niveau-là? Est-ce qu'il en est capable? Alors, je peux vous dire qu'elle m'a torturé pendant une semaine. Mais ça y est, là je suis rentré et la décision est prise. Et plus ça va et plus je me sens dans cette campagne. Et bon, alors il m'a été posé beaucoup de questions. Et le demi-sortant, le demi-candidat, j'en passe. Mais moi j'y suis de plus en plus à l'aise et de plus en plus dedans. Et mon objectif c'était de faire connaître Julien. Je pense que je suis en train d'y arriver. Et là, maintenant, et de convaincre que c'est moi qu'il faut envoyer au Parlement. ces territoires me parlent et j'en ai vraiment très envie. Alors je pense que j'ai prouvé que j'étais un fédérateur, et si jamais vous trouvez quelqu'un là où je suis passé, que ce soit à l'Osso Irati, que ce soit à l'Association des Transhumants ou au Collectif Fermier, qui vous disent le contraire, ça m'étonnerait. Voilà. Et alors je veux travailler avec les élus du terrain, je veux préparer les textes que je défendrai à l'Assemblée nationale, et très sincèrement, je me sens de plus en plus dans la peau du futur député. Annick Sonday. Déterminée, je le suis. Engagée, je le suis. Je suis les projets de façon régulière et les gens qui me connaissent le savent bien. Cette représentativité de la région, et je crois le Salé, je le suis. Donc je continuerai à mener tous ces dossiers tels que je l'ai toujours fait, avec la conviction et la ténacité qui est la mienne et sur lequel je n'ai jamais faibli. J'espère pouvoir avoir la chance de défendre notre territoire d'une autre façon. Et c'est vrai que j'assume complètement la proximité avec le gouvernement, justement pour pouvoir être au plus près de ce territoire et de pouvoir aider le plus possible les gens au-delà des clivages, au-delà, et je pense que les convictions de chacune peuvent se rassembler pour une transformation de ce pays nécessaire, et je souhaite porter la voix des Basques et des Béarnais le plus fort et le plus haut possible. Iñaki et Chanis. Oui, moi j'ai passé ma vie syndicale et militante à défendre les services publics, à défendre une société plus juste. Et aujourd'hui, la gauche et les écologistes sont enfin mis autour de la table pour défendre ce projet-là. Un autre projet de société face à la politique néolibérale qui nous est promise, qui a été mise en place et qui nous est promise par Emmanuel Macron. Nous, on porte un programme de transformation sociale, économique et démocratique. C'est mettre en opposition la retraite à 60 ans contre la retraite à 65 ans, l'épuisement des corps face à l'épanouissement dans le travail, le SMIC à 1500 euros face à la précarisation des essentiels ou des premiers de corvée, comme on les a appelés, la planification écologique face au greenwashing du gouvernement, la revitalisation de nos institutions face au pouvoir toujours plus vertical d'Emmanuel Macron. Nous, ce qu'on propose, c'est de voter pour de l'espérance, pour de la dignité, pour donner une véritable politique de rupture avec ce gouvernement-là. Et pour conclure, Aldaketa Social Ecolorico est à Demokratirako Proiektu Bat. Ekainaren amabian, boskatu, Iñaki Etxaniz eta Xexili Sondoren. Egoitz, azken hitza. Eztabaida honek agerian ezarri duena da, Ipar Euskal Herriak eta lurraldeak oroar merezi duela ordezkatua izaitea, eta ez sakrifikatua Pariseko interes edo alderdi jakin batzuen interesen onerako. Pentsatzen dugu hortik abiatuz, EH bai gai izan dela transbertsalitatean gehiengoak eraikitzeko lurralde untan, aldaketaren ardura hartzen dugu, bestelako jendarte baten bidean ari girelako. Gure ustez, iragana ordezkatzen duten logika vertikal eta Parisen oinarritu hautagaitza horiek ez dute izaterik, oraindik gutiago mandatuen eta karguen metatzean oinarritzen diren hautagaitzak direnean, eta iduritzen zaigu, beraz, importantea dela karrikan egiten ari den bidea, eraikitzen ari diren proiektu horiek, ukan dezaten beren ahotsa Parisen, lege kanbioak bermatzeko gisan, eta baita ere, beste lurraldeekin batean, beste lurraldeak diodalarik Kortsika, Bretaña, Alsazia, eta beste lurraldeekin batean, adierazteko aniztasunaren indarra eta ikuspegi uniformizatzaile horiek ez dutela izaiterik egungo munduan. Hora, gut pixkat luzatu dugu gure gaurko debatia, baina uste dut gauza frango behar ginituela barnatu, bai eta ere entzuleeri hitza eman. Ordion, horretarazten dauzet, hau bera debatia errepikatuko dela bihar arratsaldeko hiru hontan, eta horren segida ere izanen dela, beste bozka ere muetan. Seigarren, bozka ere mukoa, elduen hastean, hastezkenean. Elduen hastezkenean, eta azken beste itzordua ere, beraz lehen itzuliko emaitzak segituko dituzula Euskal Irratietan, biztan dena zuzenean, eta kandidatuen ikusmoldea ere izanen duzuela. Eta justo bienguen arteko ez da badabat eginen jage, bai normalki, eh? Bai, gero ondotik, bai, lehen itzulian ondotik, bai. Eta orduan milesker ere hartzeni demora kudeatzen aizan baita, eta Mari Añez guztiak teknikan, eta itzultzailea beharrezkoa zena, beraz, Aiande Etxart, milesker, eta beste aldi bat arte entzuliak.